alam. طيب, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit dans certains hadiths, je vais vous citer quelques hadiths inshallah ta'ala. Vous savez que le hadith, vraiment, il a une particularité, yani, sur le cœur du croyant, le Coran et le hadith, bien sûr. Mais vraiment, yani, pour celui qui a un cœur, yani, un cœur qui n'est pas souillé, le sens, mais il sent que ce n'est pas une personne normale qui a parlé. Il sent que c'est quelque chose qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que beaucoup de salaf, radiyallahu ta'ala anhum, lisaient à leurs élèves comme ça des livres, pardon, des livres de hadith, même sans qu'il y ait l'explication. L'essentiel, c'est quoi? C'est entendre la prophète, pardon, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Même si on ne comprend pas le sens, mais yani, déjà le fait d'entendre comme ça des hadiths, mashallah, on se remplit le cœur de lumière, naam, car ce n'est pas la parole de n'importe qui. Je me souviens en Algérie, quand il y avait le frère Abdelmalik Ramadani, hafidhahoullah, quand il était imam là-bas, et que j'allais de temps en temps assister à ses dorous, il avait pendant une semaine, il avait, si je n'ai pas oublié, le mardi, spécialement pour lire seulement des hadiths. Spécialement, tu entends les hadiths sans explication. C'est comme j'ai dit, il y a quelque chose que les salaf faisaient. Tu entends seulement le hadith. Non, tu n'entends pas son explication. Et yani, tu t'habitues à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des choses comme ça qui descendent, bi'idhnillah ta'ala, sur ton cœur. Non, on va lire quelques hadiths ici, mais avec quoi? Avec l'explication. Parce que la plupart de vous ne sont pas arabophones, alors ils risquent de ne rien yani, comprendre, et encore mieux, pardon, de ne rien yani, non, comprendre. Alors c'est pour ça que je vais t'expliquer un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, a dit, dans ce hadith, non, Allah adullukum ala khayrin mimma sa'altuma. Ne voulez-vous pas que je vous montre mieux ce que vous m'avez demandé? Non. Il a dit à deux compagnons, voulez-vous que je vous montre mieux ce que vous m'avez demandé? Il a dit, Ida akhaztuma madaji'akuma fakabbir Allah 34. Non. Tayyib. Ici, il est en train de parler avec qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est en train de parler avec Fatima, sa fille, radiyallahu ta'ala, et son gendre, c'est-à-dire son cousin, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala. Car Fatima, radiyallahu ta'ala, avait demandé quoi? Avait demandé un, comment on dit, un si on l'appelle un serviteur, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, le masculin de bonne, la bonne, qui fait le ménage, etc. Maintenant, il y a l'homme, je ne sais pas comment on l'appelle, mais vous avez, inshallah ta'ala, compris le sens. Elles ont demandé un domestique. Jazakallahu khairan. Elle a demandé un domestique pour la maison. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu à son mari, à elle, ne voulez-vous pas que je vous montre quelque chose de mieux qu'un domestique qui vous travaille? Bien sûr, ils ont accepté. Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Il leur a dit, si vous allez vous coucher, lorsque vous allez le soir, vous prenez votre lit, dites Allahu Akbar 34 fois. Dites Allahu Akbar 34 fois. Wahmad Allah 33. Et dites Alhamdulillah 33 fois. Wasabbiha 33. Et dites Subhanallah 33 fois. Fa inna dhalika khayrun lakum min khadim. Ceci est pour vous mieux qu'un domestique. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il a de l'argent pour te donner un domestique? Pour aller acheter un domestique. Non. Et, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il ne rend jamais quelqu'un les mains vides, il te donne toujours quelque chose pour essayer d'apaiser ton cœur, pour ne pas dire je suis revenu bredouille. Alors, lui, c'est quoi ça, il a été envoyé pour quoi? Il a été envoyé pour apprendre le dîn aux gens. Non. Il leur dit, le domestique, il n'y en a pas. Mais inshallah ta'ala, je vais vous montrer quelque chose de mieux. Pourquoi c'est quelque chose de mieux? Car le domestique, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut me laver la vaisselle et s'occuper des enfants et laver la maison et ça s'arrête là. Naam. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose qui vous rapproche du Seigneur, exalté soit-il. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui te donne une chose de la dunya et quelqu'un qui te donne une chose de l'au-delà. Naam. Est-ce que quelqu'un qui te donne la dernière Mercedes, toute option, c'est mieux que celui qui te montre comment tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala pour entrer au paradis? Sûrement pas. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donc regardez cette sunna. Quand on va au lit, qu'est-ce qu'on fait? On fait Allahu Akbar 34. Ce n'est pas 33. On fait Allahu Akbar 34. Alhamdulillah 33. Et Subhanallah 33. Ce hadith a été rapporté par qui? Par Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époux de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. Quand Ali ibn Abi Talib a, disons, rapporté ce hadith ou bien l'a raconté aux autres compagnons, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en ce sens, je vous donne le sens, Wallah, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris cette chose, je ne l'ai jamais laissé une nuit. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris cette chose, je ne l'ai jamais laissé une nuit. Alors l'un des compagnons, devinez qu'est-ce qu'il a dit alors et quelle question a-t-il posé à Ali? Ali vient de jurer que par Allah, il n'a jamais laissé le fait de dire 34 fois Allahu Akbar et 30 fois Subhanallah avant de dormir. Alors l'un des compagnons lui a dit, Hatta Laylata Sifin, Ya Ali, tu as juré par Allah que tu n'as laissé aucune nuit. Même la nuit de Sifin, vous savez Sifin c'est quoi? C'est un endroit où il y a eu une grande dispute, disons, entre les musulmans. Le clan de Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu et le clan de Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Ça s'est appelé Sifin. C'est un endroit qui s'appelle comme ça. Maintenant ça a marché, la bataille ou la guerre ou la de Sifin. Il y a eu des morts, etc. Radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Non, on ne dit pas comme les Khawarij qui ont dit les deux sont kuffar. Al-Muhim. Alors qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, puisque tu as juré par Allah que tu n'as jamais délaissé cette chose une nuit. Est-ce que la nuit de Sifin, lorsqu'il y avait la grande bataille, il est mort, il est blessé, etc., et tu es allé dormir, tu as fait cette chose? Il a dit, na'am. Hatta laylat Sifin. Na'am. Même la nuit de Sifin, la guerre et le sang et le feu, et quand je suis allé m'endormir, j'ai dit Allahu Akbar 34 fois et Subhanallah Alhamdulillah 34 fois et Alhamdulillah 33 fois et Subhanallah 33 fois. Je demande à Allah Subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous aide à la pratiquer. Naam, qu'il nous aide à la pratiquer. Maintenant on a entendu quelque chose pareil. Est-ce que c'est difficile avant de dormir de la faire au moins aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile? Vous qui m'entendez, moi qui vous apprends. Moi je suis plus responsable que vous. Car moi je dois appliquer avant vous normalement. Ça, est-ce que c'est difficile avant de se coucher de dire 34 fois Allahu Akbar et Alhamdulillah 33 et Subhanallah 33? Vous allez me dire c'est pas difficile, je vous dis ça. Ce n'est pas difficile pour quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Mais il y a des gens qui vont trouver ça très difficile. Oh, très lourd à faire. Ça ne veut pas s'arrêter. Difficile à commencer. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana an yakuna lana. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, ala u'allimuka, pardon, le hadith que je viens de citer bien sûr, c'est le 2619. Naam, c'est un hadith sahih. Maintenant celui que je vais citer, c'est un hadith qui est bon, c'est le numéro 2623, toujours dans Sahih al-Jami'. Naam, 2623. Qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'a-t-il dit? Il a dit à quelqu'un, naam, il lui a dit, ou bien il a dit à une femme, naam, Asma bint Umays, il lui a dit, ala u'allimuki kalimatin taqulihinna 'inda al-karam. Naam. Ala. Bon, ici c'est écrit Ala ou Allimouk. Et ici c'est écrit, c'est comme s'il parlait à un homme. Mais le hadith là, il a été cité par Asma. Peut-être elle, elle l'a pris d'un homme. Naam. Ala ou Allimouk a kalimatin. Taquluhun عند الكرب ou le كرب. Voudrais-tu que je te dise quelques mots qu'il faudrait dire quand tu as des problèmes, quand tu as le chagrin, naam, quand tu sens le cœur lourd, quand tu te sens chagriné, quand yani, tout devient noir devant toi, quand tu n'as plus aucun goût à cette vie. Naam, tous, ça nous arrive ça, yani, dans notre vie. Naam, tous, ça nous arrive plus ou moins. Yani, il y a des gens auxquels cette chose arrive beaucoup et d'autres, ça leur arrive yani, pas fréquemment. D'après, bien sûr, la foi, d'après beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. L'essentiel, qu'est-ce qu'on doit dire ici? Il a dit, on dit Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an. Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an. Apprenez ce doigt, il est très facile. Quand on a des mashakil, on a des problèmes, naam, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an. Allahu Allahu, c'est mon Seigneur. Naam, je n'associe rien à lui. Naam, Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an. Tayyib, pour ceux qui n'ont pas le point rouge, s'ils peuvent l'écrire en phonétique, s'ils peuvent l'écrire en phonétique. Naam. Regardez la doua qui va venir maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, son cousin, son gendre, radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith 2625, c'est un hadith qui est bon, il lui a dit Ala u'allimuka kal, veux-tu que je t'apprenne certains mots? Law kana alayka mithlu jabali sabayrin daynan addahu Allahu ank. Voudrais-tu que je t'apprenne certains mots? Si tu avais des dettes, si tu as des dettes, comme la montagne de Sabir. Je ne connais pas cette montagne où elle se trouve, sûrement en Arabie Saoudite, elle a un nom comme ça. Il lui a dit, regarde, je vais t'apprendre certains mots. Si tu as des dettes, comme cette montagne là-bas, qui s'appelle Sabir, tu as des dettes comme elle. Imaginez une montagne de dettes. Addahu Allahu ank. Même si tu as une montagne de dettes, Allah subhanahu wa ta'ala va payer ses dettes à ta place. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala va te suffire de tes dettes. Il lui a dit, قول, voilà ce que tu dis. Allahumma kfini bi halalik an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Deux phrases. Allahumma kfini bi halalik an haramik wa aghnini بفضلك عمن سواك. Oh Allah Ta'ala, suffis-moi de ton halal sur le haram et aghnini bifadlik, et enrichis-moi de toi sur yani autrui. Naam, il a dit quiconque, une personne qui, et elle dit ces du'a là, Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui va s'occuper de ses dettes. Tayyib, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? Tayyib, une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. Tayyib. Je vous avais dit, si vous pouvez écrire en phonétique, quand je dis des doigts, si vous pouvez écrire en phonétique, quand je disais des doigts. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tayyib. Naam. Il a dit dans le hadith 2665, hadith qui est authentique, 2665, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ يُسَبِّحُ اللَّهَ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَلْفَ حَسَنَةٍ وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا أَلْفَ خَطِئَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que yani vous trouvez, ou bien quelqu'un de vous se trouve paresseux pour qu'il puisse récolter chaque nuit 1000 hasana, 1000 récompenses? Est-ce que c'est, yani il a voulu dire à peu près, est-ce que c'est difficile pour vous pour qu'une personne chaque nuit elle récolte, non, elle prend 1000 récompenses? Ensuite, il va montrer comment en une nuit on peut prendre 1000 récompenses. Il a dit: يُسَبِّحُ اللَّهَ مِئَةَ تَسْبِيحَ. Il a dit, tu dis 100 fois Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, 100 fois. Il a dit, si tu dis 100 fois Subhanallah, Allah Ta'ala t'en écrira combien? 1000. T'en écrira 1000 récompenses et annulera de toi 1000 péchés. Allahu Akbar. Naam. Comment récolter 1000 récompense en une nuit et quoi? Et annuler 1000 péchés. Seulement en disant quoi? En disant 100 fois Subhanallah. Et vous savez que chaque récompense, on donne quoi? Chaque récompense, Allah Ta'ala la donne 10 fois. Naam. C'est très petit, je ne peux pas lire. عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك عنا avec عن. نعم je crois qu'on écrit comme ça عن والله تعالى اعلم. نعم on écrit comme ça عن d'après j'ai vu comment vous écrivez عن. نعم attendez je revois le doigt là je revois. وأغنيني بفضلك عمن سواك وأغنيني بفضلك عمن سواك. نعم طيب je disais que سبحان الله العظيم seulement dire 100 fois سبحان الله et voilà que on a quoi, on a 1000 récompenses et Allah Ta'ala enlève de nous 1000 péchés. نعم Allah Ta'ala enlève de nous 1000 péchés. Je relis pour ceux qui entendent ce qui est écrit en phonétique. Allahumma kfini. Naam. Allahumma attendez. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Naam. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini lik. Naam. طيب sinon on va passer inshallah ta'ala à un autre hadith. Attendez je vérifie encore une fois le hadith. Allahumma kfini bi halalik an haramik. Naam. Kfini bi fadlika an man siwak. وأغنيني بفضلك عمن سواك. Je crois qu'on voudrait, on peut ajouter juste un A devant غنيني. وأغنيني بفضلك عمن سواك. نعم. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: إياكم والجلوس على الطرقات. إياكم والجلوس على الطرقات. Dans le hadith 2675, hadith authentique. Attention, il a dit, le fait de s'asseoir dans les rues. Naam. En islam, on ne s'assoit pas comme ça dans la rue, sans rien faire. Il y a des gens qui passent et qui en est là assis. Naam. Mais si on s'assoit, Naam, on doit remplir les conditions. Il a dit fa'in abaytum illa al-majalis fa'tu at-tariqa haqqa. Et maintenant, si vous ne voulez que vous asseoir dans la rue, alors donnez à la rue ses droits. Naam, donnez à la rue ses droits. Dans un autre hadith, ils ont demandé c'est quoi les droits de la rue. Il a dit premièrement raddul basar. Premièrement, quand tu vois, tu es un homme, tu vois une femme passer, tu descends tes yeux. Et quand tu es une femme, tu vois un homme passer, tu descends tes yeux. Naam. Wa kafl adha. De toute façon, ici, il est en train de parler des hommes qui restent dans la rue. Parce que les femmes, normalement, elles restent à la maison, pas dans la rue. Naam. Il a dit wa kafl adha. Yani, quand tu vois quelque chose qui fait mal, quelque chose qui, par exemple, une peau de banane, une personne risque de glisser. Naam. Mais tu vois des vers par terre, toutes ces choses-là, il faut les oublier, il faut les éloigner du chemin, pour que les gens ne tombent pas, pour que les gens ne tombent pas, ils ne se font pas mal, et comme ça. Troisièmement, raddu salam. Troisièmement, quand quelqu'un te dit salam alaykoum, tu dois lui dire alaykoum salam wa rahmatullah, ou bien au moins wa alaykoum salam. Si tu dis alayka salam ou alayka, tu lui dis wa alayka salam. Naam. Ou l'amr bin ma'ruf ou n'ayan al-munkar. Ensuite, tu prescris le bien et tu condamnes le blâmable. Ou bien tu proscris le mal. Donc, tu vois quelqu'un par exemple en train de faire une faute. Naam. Tu lui prescris le bien. Tu lui dis voilà ce qu'on doit faire en islam, etc. Ou bien tu proscris ce mal. Naam, tu lui dis ça se fait pas en islam, etc. Donc ici, on apprend deux choses. Qu'il est interdit de rester dans la rue, naam, sauf si on remplit les cinq conditions que je viens de dire. Baisser les yeux au passage des femmes et au passage de quelque chose qui est haram, naam, éloigner les choses qui font mal, etc. Rendre salam, si quelqu'un nous dit salam, on lui rend son salam, et prescrire le bien et proscrire le mal. Naam. Et bien sûr, quand on prescrit le bien, on proscrit le mal, on le fait avec sagesse. Dis-toi que tu es dans l'adoration. Quand tu fais cette chose, tu le fais pour avoir des récompenses. Naam. Ne le fais pas en tant que quelqu'un qui veut forcer les gens. Ne le fais pas en tant que quelqu'un qui veut brusquer les gens. Ne le fais pas en tant que quelqu'un qui commande. Naam, je suis un policier en civil. Je suis un policier avec Khamis. Tu fais cette chose ou je te casse la tête. Naam, ce n'est pas comme ça en islam. D'ailleurs, personne n'accepte de nous notre islam si on se montre, on veut montrer l'islam de cette façon. D'ailleurs, quiconque veut montrer l'islam de cette façon, il a amoché l'islam, il a amoché sa belle image et il fait fuir les gens de l'islam. Et pour chaque personne qui a fui à cause de lui, il aura des péchés énormes. Naam. Tu ne sais pas proscrire le mal et prescrire le bien, tais-toi et va à la maison. Naam. Va à la maison, va discuter avec tes enfants et ta femme. Tu n'es pas obligé si tu ne connais pas la façon avec laquelle on proscrit le mal. Naam, si tu n'as pas la sagesse et la science de faire cette chose, elle n'est plus obligatoire. Pourquoi que tu la fasses? Va proscrire le mal dans ta maison, c'est tout. Avec ta femme et tes enfants, s'ils font quelque chose, naam, tu n'as pas la sagesse, c'est pardonnable. C'est entre vous, c'est tout. Mais dans la rue, non. Parce que tu vas faire mal à des gens qui sont étrangers pour toi. Et tu risques de les faire fuir. Naam. Et plusieurs personnes, quand elles ne parlent pas, elles se taisent, Allah Ta'ala leur donne des récompenses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu te taises et que tu ne fasses pas mal déjà aux autres, déjà tu as inshallah ta'ala des récompenses. Naam. Car certains se disent, moi mashallah, ça fait 20 ans que je fais la prière. Khlas, yani 20 ans, yani khlas, tu as le chèque blanc pour aller au paradis et que toi tu ne vas plus jamais te tromper. Naam. Est-ce que toi tu as oublié quand tu avais juste commencé comment tu étais, ou bien as-tu oublié avant de commencer à pratiquer, comment tu étais? Tu as oublié ça? Est-ce que toi, avant de commencer à pratiquer, si par exemple tu fumais, tu étais assis sur une chaise en train de fumer une cigarette, est-ce que ça te plairait que quelqu'un vienne et t'as devant toi, toi pervers, pervers, écoute, cigarette ou je vais te casser ta tête. Est-ce que ça te plairait que quelqu'un te dise comme ça? Est-ce que tu accepterais de quelqu'un qui te dise comme ça? Est-ce que tu accepterais? Même s'il va te dire, il y a un hadith, il y a un verset, tu ne vas pas accepter. Ta fierté va t'empêcher d'accepter. Naam, dans ton cœur, tu dis, ça, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais Allah, jamais je ne vais abdiquer. Allah, je ne vais pas lui montrer que ce qu'il a dit est la vraie. Pourquoi? Il t'a fait mal, il t'a blessé. Naam, il t'a blessé. Donc, c'est une deuxième personne. Maintenant, on va venir avec sagesse. Salam alaykoum. Salam rahmatullah. Kayf al-hal? Alhamdulillah. Là, aujourd'hui, il fait un peu froid, mais alhamdulillah, c'est mieux qu'hier. Naam, alhamdulillah. Wallah, c'est mieux qu'hier. Wallah, yani, je voudrais juste faire une nasiha. Juste une petite nasiha. Wallah, c'est parce que, inshallah ta'ala, yani, comme j'aime le bien à moi-même, je l'aime à autrui. Naam. Si tu acceptes, tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, moi je l'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Masha'Allah, quand tu lui dis comme ça, il te dit tafadhal. Qu'est-ce qu'il dit, inshallah? Tafadhal. Naam. Dis, je t'entends, parle. Il dit voilà. Par exemple, la cigarette, wallah, elle fait beaucoup de mal. Yani, et même sans parler de dîn, yani, elle donne des maladies vraiment graves. Et beaucoup sont enclins à mourir à cause d'elle. Et c'est de l'argent qui part en fumée. Alors qu'en est-il demain quand on va rencontrer Allah? Et comme ça, Allah l'Azim, que peut-être à 90%, il va la jeter devant toi. Devant toi, il va l'écraser et cracher sur elle. Au moins, il ne va pas fumer cette cigarette devant toi. Au moins, il va cracher sur elle, même s'il va fumer dans 1 heure, ça ne fait rien. Mais regarde, tu es arrivé avec lui à un résultat, masha'Allah. Pourquoi? Tu es allé avec lui avec sagesse. Avec hikma, naam. Ce n'est pas, tu n'es pas envoyé ici comme bourreau. Allah Ta'ala ne t'a pas envoyé comme bourreau. Avec quoi? Avec, je sais pas comment ça s'appelle, le qazzoul, ça a un gros bâton dans la main, hein, pour frapper les gens et leur casser la tête. Il ne t'a pas envoyé comme ça. Il t'a envoyé rahma. Il t'a envoyé comme miséricorde aux gens. Miséricorde. Pas comme bourreau. Tayyib, c'est pour celui qui veut une massue. Naam, Allah Ta'ala t'a comme bourreau avec une massue. Naam, celui qui l'applique pas, tu lui casses la tête. Allah Ta'ala dit dans le Coran, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ. Vous aussi, vous étiez ainsi auparavant. Ça, c'est un verset. Vous aussi, vous étiez ainsi auparavant. Et Allah Ta'ala dit à son prophète dans le Coran, لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu avais une langue, yani, dur, tu dis des choses qui blessent, naam, et tu avais un cœur dur, alors il se serait enfui de toi. Naam, masha'Allah. Ça veut dire, si tu veux que les gens s'enfuient de toi, alors parle avec méchanceté et un cœur méchant, un cœur noir. Et tu verras que tout le monde, yani, s'enfuira de toi. Ça veut dire aussi ce verset par sens contraire. Si tu veux que les gens se regroupent autour de toi, alors, yani, parle-leur avec douceur et un cœur doux, un cœur, mashallah, qui s'agrandit, naam, pour accepter, yani, la vie des autres, etc., naam, pour aller doucement, idhnillah subhanahu wa ta'ala, naam. Autre chose, ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 2676, un jour, inshallah ta'ala, faites-moi rappeler, je ferai un dars spécialement sur la façon de faire la dars, sur spécialement comment faire la da'wa, inshallah ta'ala, pour que vous sachiez comment qu'on fait la da'wa, et que plusieurs personnes et sœurs, que plusieurs personnes, frères et sœurs, yani, connaissent pas mal de choses en islam, mais ne réussissent pas à les faire arriver aux autres. C'est dommage, hein? Naam. y a des sœurs qui sont mashallah, mais qui n'ont pas de sagesse. Naam. Dès qu'elles, par exemple, elles se rencontrent en groupe, il y a une femme qui n'est pas voilée, naam, elle commence. Et toi, tu ne fais pas le voile, et toi, tu vas partir en enfer, et toi, tu seras la première à rentrer, et toi, tu n'iras jamais au paradis, et toi, l'autre, elle va regretter d'être venue à cette assise. Elle va dire, subhanallah al-azim, surtout quand c'est devant les autres. Si c'était en tête à tête, c'est grave, mais moins grave. Mais maintenant, devant tous les autres, toutes les autres, c'est très grave. Naam. C'est pour ça que j'ai dit, inshallah ta'ala, une fois je ferai un dars spécialement pour parler de comment faire la da'wah bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je voudrais dire, comme résumé, c'est pour résumer, si quelqu'un, tu n'arrives pas à conquérir son cœur, jamais il n'accepte de toi la da'wah. Si quelqu'un, disons, te déteste, il ne peut pas accepter de toi. Non, si quelqu'un te hait, il ne peut pas accepter de toi, tu es son ennemi. Il faut essayer de conquérir son cœur pour qu'après, non seulement il accepte, mais il va te supplier pour te dire, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, barakallahu fik, est-ce que cette chose est haram, barakallahu fik. Et comme ça, khlas, il t'a aimé, il te fait confiance. Non, tout ce que tu dis lui plaît, masha'Allah. Non, et il trouve qu'il est convenable, même si c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà aimé. Donc maintenant, une personne, si on la rencontre une fois, elle va pas nous aimer en une fois. La première fois, elle va pas nous aimer. L'amour, ça vient petit à petit. Mais au moins, yani, qu'elle me déteste. Si elle ne m'aime pas, au moins je ne me fais pas détester. Naam, c'est déjà, j'ai gagné quelque chose. Maintenant, si la première entrevue, la première assise, tu te fais détester, personne ne t'acceptera. Déjà, dès que tu vas partir, on va parler sur ton dos. Cette personne, qui c'est, qui elle se croit, elle se croit qui, c'est un bourreau, elle veut me forcer, cette personne, elle veut que da, et comme ça, naam. Et rappelez-vous très bien cette phrase qui est très très importante dans, dans la da'wah et qui aide beaucoup. Attendez, comment faire, bon, c'est dit en arabe, mais je vais essayer de le dire en français si je peux. Naam. Haroun al-Rashid, tout le monde connaît le grand calife Haroun al-Rashid. Naam. Une personne est allée lui voir Haroun al-Rashid pour lui faire quoi? Pour lui faire des naseha. Elle a dit, moi je vais chez lui, je vais rentrer chez le sultan, je vais lui dire par exemple taqillah, ceci cela. Et la personne, quand elle est rentrée chez Haroun al-Rashid, au lieu de commencer avec sagesse, naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand quelqu'un veut faire la naseha, de faire la nasiha à un gouverneur, il ne le fait pas devant tout le monde, mais qu'il aille chez lui, ensuite qu'il le prenne par la main et qu'il lui dise, s'il accepte, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, il a dit, tu as fait ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne le fasse pas devant tout le monde. Naam, maintenant les khawarij et les tekfiriyoun, ils montent sur le minbar le vendredi et il commence à citer le gouverneur avec son nom. Naam. Regardez ce qu'a fait Bouteflika. Regardez ce qu'il a fait. L'hypocrite. Hypocrite, c'est un hypocrite. Sa femme n'a pas le voile. Il a volé l'argent. Subhanallah al-Azim. Où es-tu? Où es-tu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où es-tu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il ne faut pas le faire publiquement. Il dit, va chez lui, envoie-lui une lettre. Va au commissariat et dépose la lettre. Naam. Écris à la présidence. Écris à la présidence. Fais internet. L'email de la présidence. Naam. C'est interdit. C'est les takfiriyons qui font comme ça. Naam. Et les khawarij. Et en plus de cela, non seulement tu vas chez lui, mais tu le prends par la main. Naam. Tu mets sa main, ta main dans sa main. Et tu lui dis. Pourquoi le prophète a dit tu mets ta main dans sa main? Quand quelqu'un met sa main dans la main de l'autre, ça joue un très grand rôle pour que l'autre accepte la chose qu'on lui dit. Subhanallah al-Azim. Remarquez, nous on est des hommes, des frères. Des fois quand on se rencontre et quelqu'un met par exemple sa main dans ma main pour me parler comme ça, yani, nos doigts s'entrelacent. Subhanallah al-Azim. Je sens quelque chose qui descend dans mon cœur. Là je peux plus lui dire non s'il va me demander une chose. Naam, tu sens quelque chose. Non. Donc vous vous rappelez le dernier dars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait des femmes du paradis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celle qui enfante beaucoup, celle qui est aimante, et celle qui, si elle a des problèmes avec son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa main dans sa main et lui dit: je ne serai heureuse que lorsque je sais que tu es ravie de moi. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Elle met sa main dans sa main, c'est pas lui parle de loin. Naam. Mais elle vient, elle met sa main dans... La main dans la main, ça joue vraiment un très grand rôle, même dans la da'wah. Naam. C'est pour ça que le prophète Hassan a dit ici qu'il mette sa main dans sa main. Al-Muhim, je voulais dire que quelqu'un est allé à Harun Rashid, naam, qui n'a pas de hikmah cette personne. Elle a voulu faire quoi? La nasiha. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à lever sa voix et à crier: hey, toi le gouverneur qui ne gouverne pas bien avec l'islam, toi qui fais ceci, cela, cela. Ensuite, Harun Rashid lui a dit: écoute, arrête une seconde, arrête. Il lui a dit: écoute, Allah Ta'ala, le Seigneur exalté soit-il, a envoyé quelqu'un qui est mieux que toi. Il s'appelle Moussa et Harun, son frère. À quelqu'un qui est plus tyran que moi, qui s'appelle Pharaon, le pharaon. Et il leur a dit, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Il leur a dit, Allah Ta'ala a dit, et dites à Pharaon quelque chose de doux, une parole douce. Il lui a dit, تَقِلَّهُ toi, تَقِلَّهُ. Allah Ta'ala a envoyé quelqu'un, yani qui est mieux que toi. Naam, Moussa et son frère Harun sont mieux que toi. À quelqu'un qui est plus tyran, plus oppresseur, plus voleur plus que moi. Naam. Il s'appelle Pharaon, plus criminel que moi. Et il leur a dit, si vous allez vers Pharaon, allez chez lui et dites-lui une parole douce. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Dites Subhanallah al-Azim. Si Pharaon, on doit lui dire une parole douce, qu'en est-il d'un musulman comme nous? Qu'en est-il d'un frère comme nous? Qu'en est-il de quelqu'un qui est avec nous à la mosquée? Subhanallah al-Azim. Il y a des frères dans la même mosquée qui ne se parlent pas. Vous savez cela? Il y a des sœurs dans la même mosquée, elles ne se parlent pas. Dans la même mosquée, naam, elles ne se parlent pas. Et ils croient que c'est du din. Non, naam, je ne lui parle pas, j'ai des récompenses pour ne pas lui parler. Naam, c'est vrai. On ne parle pas à quelqu'un qui est contre le minhaj. On ne parle pas à quelqu'un qui déclare sa bid'a et il ne reconnaît pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de science, miskin. Miskin, hada, il n'a pas de science. Tu le plains, hada. Hada, mais ce que tu lui demandes la plus simple des choses, dans les wudu, il ne connaît pas. Hada, tu dis que c'est un mubtada. Hada, miskin, c'est un ignorant, il ne sait rien. Voilà le chef là-bas, auquel il ne faut pas parler, pas celui-là. Celui-là, miskin, il ne sait rien. Tu le prends à la maison, tu lui dis deux mots, peut-être qu'il retourne. Non, maintenant, on lui a rempli la tête, c'est tout. C'est un perroquet, il dit ce qu'ils ont dit. Mais, celui-là, il revient très facilement. Celui qui ne revient pas, c'est le grand chef. Et c'est la cheftaine des sœurs là-bas qui fait la fitna. Celle-là, je ne lui parle pas, peut-être, naam, après lui avoir écrit la nasiha, etc. Mais ce n'est pas deux frères, mashallah, dans le minhaj, ils ne se parlent pas à cause d'une petite salat, à cause d'une petite divergence. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimana dinana. Tayyib, où est-ce qu'on était? Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 2676, hadith authentique 2676, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Iyakum wal hadfa fa innaha tuksiru sin wa tafqa'u al-ayn wa la tunki al-aduwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention au, bon, comment ça s'appelle ça en français, si vous remarquez par exemple au blad, etc., beaucoup d'enfants, ils ont même des jeunes assez âgés, 18 ans, 20 ans, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entrejettent des cailloux. Non? L'autre, il va 20 mètres plus loin, un groupe là-bas, un groupe là, et ils commencent à... C'est une sorte de jeu, ils croient que c'est un jeu. Et ils s'entrejettent, celui-là jette à l'autre des cailloux et l'autre lui jette des cailloux. Ça, c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Qu'est-ce qu'elle fait? Le fait de s'entrejeter les cailloux, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, ça casse les dents. Tuxirusin. Si un caillou te vient sur la bouche, tu as perdu ta dent. Si elle se casse, classe, elle est partie. Nam, tu vas faire une autre en je ne sais pas quoi, en plastique ou je ne sais pas quoi. La vraie dent est partie. Nam. Ou tefqa, elle crève l'œil. Nam. Maintenant, il y a des cailloux qui sont vraiment yani, aiguisés, subhanallah. C'est comme si on l'avait aiguisé, comme un coup. Maintenant, elle a frappé en plein œil, elle a crevé l'œil. Nam. Donc, tu vas chez l'opticien, quoi, te donner des lunettes. Encore, ça sert à quoi les lunettes, puisque c'est pas pour la vue, on a perdu. Et troisièmement, voilà ton kil ado. Et en plus de cela, quand tu frappes un adversaire ou un ennemi avec le caillou, tu n'as rien fait. Non. L'adversaire, ce n'est pas avec le caillou qu'on le frappe. Donc, ce n'est pas la peine de dire on est en train d'entraîner. On entraîne avec les cailloux, comme ça, si je rencontre l'ennemi, je le frappe. Ça, ce n'est pas vrai. Surtout que maintenant, l'ennemi a des fusées, des avions qui tirent avec le laser, etc. Donc, frapper avec le caillou, ce serait quoi? Ce serait de la rigolade de nos jours. Non. S'entraîner avec des cailloux, ce serait de la rigolade. Non. Oui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa innaha tuksiru sin, ça casse les dents. Naam. Regardez, quand on est un peu jeune, on a 20 ans, 15 ans, 22 ans, 25, on s'en fout de la santé. On s'en fout de la santé. Naam. Tu lui donnes une bouteille de limonade, il l'ouvre avec ses dents. Masha'Allah, il montre qu'il est fort, il a des dents, masha'Allah, il l'ouvre avec les dents. Et moi je lui dis, si tu savais demain quand tu auras 50 ans ou 60 ans, et que tu commences à perdre tes dents, et que c'est impossible de les remplacer, ce jour-là, tu te tireras les cheveux, mais c'est trop tard. Non, pourquoi? Quand on t'a dit, quand tu étais jeune, tu n'as pas pris la nasiha. Tu ne veux pas prendre la nasiha maintenant, pour plus tard. Non, tu veux voir seulement au bout de ton nez. Et je vous dis que les dents, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et que lorsque tu vas chez le dentiste, après avoir perdu les dents, tu vas chez le professeur des dentistes et qu'il va te mettre un dentier, jamais, au grand jamais, il ne peut approcher, je dis juste approcher, yani les dents naturelles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. Jamais, au grand jamais. Il est là avec le dentier. Ensuite, le dentier lui tombe. Ensuite, il lui fait mal. Ensuite, il l'enlève la nuit. Il va le mettre dans un verre. Ensuite, il le met le matin. Ensuite, quand il parle, il fait un S dans sa bouche. Ensuite, ensuite, de loin, tu sais. De loin, tu dis, ce sont pas ses dents. Non. Alors qu'il pouvait, masha'Allah, se mettre en garde contre lui-même et ne pas faire les choses qui risque de yani, lui casser les dents, qui risque de lui faire perdre. C'est pour ça que je vous donne une nasiha. Ne faites pas les choses, gâchez les dents, n'ouvrez pas les bouteilles, comme font beaucoup de gens avec leurs dents. Mais ouvrez les bouteilles avec l'ouvre-bouteille. Il y a quelque chose de spécial qui ouvre la bouteille, ce n'est pas mes dents. Mes dents ne sont pas faites pour cette chose. Naam. Tayyib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith 2682, un hadith vraiment difficile, yani, qui est un hadith bon, na'am, quand on l'entend, on a vraiment peur. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Iyakum wa da'wat al-madloum. Iyakum wa da'wat al-madloum. Attention, de quoi? Attention, comment qu'on dit da'wa? Comment qu'on dit da'wa? Attendez, comment on dit da'wa quand quelque chose il fait des da'wa contre nous? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je puis dire, attention de l'invocation. Attention de l'invocation contre toi. Les du'a contre toi de quelqu'un auquel tu as fait mal. Attention, tu fais mal à quelqu'un, tu le laisses, tu lui fais tort. Il va faire des doigts contre toi. Il a dit attention. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wa in kanat min kafir. Même si la doua a dit, elle vient de qui? Elle vient d'un kafir, d'un kafir. Que les takfiriyoun et les khawarij disent quoi? Ça, c'est un kafir. Je m'en fous de lui. je le frappe, je le vole, je fais tout, il peut rien faire, c'est un kafir. Pourquoi? Parce que le kafir, son doua n'est pas accepté. S'il fait des invocations contre moi, ce n'est pas accepté, car c'est un kafir. Et c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, wa ma du'a'u kafirin illa fi dalal. Il a dit, les doua des kuffars sont quoi? Sont yani, dans l'égarement ou bien dans le vide, ne compte pas. Voilà ce qu'il va te dire. Naam. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit premièrement, le verset que tu viens de citer, il parle de des invocations que vont faire les kuffars demain quand ils rencontreront Allah. Pas aujourd'hui. Il ne parle pas de la dunya. Il parle de demain. Quand les kuffars vont rencontrer Allah et il leur dira, voilà votre place en enfer, préparez-vous à y rentrer, ils vont commencer à faire des doigts pour qu'il les sauve, pour que ceci, cela. Allah Ta'ala a dit, les doigts ne sont pas acceptés. C'est dans le vide. Naam. Mais ici, dans cette vie, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit attention des doigts, des invocations de celui auquel tu fais tort, même si ce doigt vient d'une personne mécréante. Naam. Rappelez-vous bien cette chose. Ne dis pas, celui-là c'est un mécréant, je fais ce que je veux, yani, il peut lever les mains, ça, ce n'est pas accepté. C'est accepté du kafir. S'il fait des doigts contre toi, parce que tu l'as lésé, naam, parce que tu lui as fait tort, parce que tu l'as volé, naam, tu le voles, et lui, qu'est-ce qu'il va faire le kafir? Il dit, oh Dieu, par exemple, je voudrais que cette personne, yani, meurt ou là et le cancer ou là nam, alors il se peut que le doua soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme le musulman, il se peut qu'il soit accepté, il se peut que pas, mais je veux dire que il peut être accepté. Ne dis pas c'est un kafir, ce n'est pas accepté. Nam, les doua de l'opprimé, même si c'est un kafir. Qu'a dit le prophète, que la paix soit sur lui, il a dit fa innahu laysa laha hijabun dun Allah azza wa jal. Il a dit les doigts de l'opprimé, même si c'est un mécréant, il n'y a pas entre les doigts et Allah Ta'ala un voile. Il n'y a pas un voile. Ça monte directement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 2701, qui est un hadith bon, il a dit, أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. Toute femme qui se parfume, ensuite elle sort dans la rue, elle passe devant des gens pour qu'ils trouvent l'odeur de son parfum, celle-là c'est une fornicatrice et chaque œil qui la voit est Naam, c'est un fornicateur aussi. Chaque femme qui fait le parfum, met le parfum pour sortir dans la rue, avant de sortir, elle le met. Ensuite, elle passe devant des hommes pour qu'ils sentent cette odeur. Elle est devenue fornicatrice. Et les hommes qui ont regardé, naam, en voulant regarder, naam, deviennent fornicateurs. Subhanallah al-Azim. C'est vraiment très grave pour une femme qui met le parfum et qui sort dans la rue. Naam, c'est vraiment grave pour elle. Pour elle, c'est pour ça que une femme, quand elle fait par exemple, elle met le parfum ou là, sauf par exemple si elle va aller dans un mariage, naam, ou bien elle le prend avec elle dans son sac, elle le met quand elle arrive là-bas, ou bien peut-être si elle est sûre qu'elle va pas descendre de la voiture, naam, jusqu'à et qu'elle sait que la voiture va arriver jusqu'à la maison, peut-être à l'intérieur de la maison, peut-être dans la cour. Car si elle va être déposée à 10 ou 15 mètres, elle va marcher et il y a des gens qui vont sentir son odeur. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2703, hadith authentique, il a dit Ayyuma mra'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjid lam tuqbal laha salatun hatta taghtasil. Il a dit chaque femme, toute femme qui se parfume, ensuite sort de la maison pour aller à la mosquée faire la prière, sa prière ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'elle se lave. Sa prière ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'elle se lave. regardez, cette femme s'est parfumée et va chez Allah Ta'ala. Elle va dans sa maison. Elle va pas aller danser. Elle va faire la prière. Subhanallah l'Azim, la prière qu'Allah Ta'ala aime beaucoup. Mais à cause de la faute qu'elle vient de faire, de se parfumer, alors Allah Ta'ala, pour la punir, il ne va pas accepter sa salat. Donc, quand une femme qui a de la foi sait que sa salat ne va pas être acceptée, elle n'est pas folle de mettre le parfum en allant à la mosquée. Elle se dit, je ne suis pas folle parce que je fais deux choses. La première, je fais un péché, et la deuxième, ma prière n'est pas acceptée. Donc, en allant à la mosquée ou en allant dans un jardin ou un café, il n'y a pas de différence. Naam, parce que la prière n'est pas acceptée. C'est comme si tu n'es pas parti à la mosquée. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2705, hadith authentique, il a dit: Ayyuma mra'atin zadat fi ra'siha sha'ran laysa min fa innahu zurun tazidu fih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, naam, une seconde ici, je veux voir quelque chose, une seconde, naam, alhamdulillah, tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque femme qui, ou la toute femme qui va ajouter, naam, sur ses cheveux quelque chose qui n'est pas de ses cheveux, c'est-à-dire d'autres cheveux qui ne sont pas de ses cheveux, c'est cette femme, elle est en train, Yannis, de faire un gros mensonge. Naam. C'est un zor, tazidoufé. Naam. Mensonge, ruse, duperie, tout cela, ça rentre dans le hadith. Naam. Aucune femme n'a le droit en islam de, Yannis, de rallonger ses cheveux avec d'autres cheveux. Naam. Mais par contre, si elle veut, maintenant il y a des choses qu'on ajoute sur des cheveux, je ne sais pas comment ça s'appelle, des choses qu'on ajoute sur des cheveux, mais dès qu'on les voit, on sait que ce ne sont pas des cheveux. Déjà, je crois que c'est même pas de la même couleur. Des choses qu'on peut acheter comme ça et qu'on met comme ça un peu en haut, je ne sais pas où, hein? Des choses comme ça, comme des mèches ou je ne sais pas quoi, qu'on met sur la tête, hein? Qui, Yannick, ce n'est pas pour duper les autres, mais c'est pour, par exemple, des rajouts, je crois que ça s'appelle des rajouts, naam. Je crois. On les met pour son mari, on les met. Les ulama ont dit, c'est possible, mais à condition que quoi? Ça soit, que ça ne soit pas avec l'intention de ressembler aux mécréantes. Naam. Je n'ai pas fait cette chose avec l'intention de ressembler aux mécréantes. Et ce ne sont pas des cheveux. Je ne veux pas tromper le prétendant qui va venir demander ma main jeudi prochain. Je vais ajouter des cheveux, hein, si on peut dire la perruque. Ensuite, il va croire que j'ai de longs cheveux ou de beaux cheveux. Lorsqu'il se marie avec moi, il trouve par exemple que ce ne sont pas comme ça mes cheveux. Hein, ça va faire vraiment des problèmes le jour du mariage. Et elle aura un grand péché pour avoir dupé, rusé et trompé. Naam. Et trompé, et le mari a le droit de la rendre chez ses parents. Il dit non, c'est pas celle-là que j'ai vue le jour de la muqabala. J'ai vu une femme, naam, avec des cheveux aux épaules et un raide, etc. Celle-là, c'est pas la même. Naam. Pourquoi? Parce qu'elle a trompé, elle a mis des cheveux, naam, qui ne sont pas à elle. Mais, par contre, ce qui est permis, c'est à la personne qui est chauve, qui n'a pas de cheveux. Celle-là, il lui est permis, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, qu'elle mette la perruque. Naam, la perruque, c'est interdit en islam. Pour qui? Pour celle qui a des cheveux. Un peu de cheveux, elle veut mettre la perruque pour montrer qu'elle a de longs cheveux, etc. Pour celle-là, elle a fait un grand péché. Mais celle qui n'a pas de cheveux du tout, elle est chauve. Le fait d'être chauve, c'est une sorte de maladie. Naam. Et le fait d'être chauve, c'est l'exception. Ce n'est pas la règle. Toutes les femmes ont des cheveux. Celle-là n'en a pas. Donc c'est une maladie, c'est une exception. Pour elle, il lui est permis de mettre quoi? La perruque. Naam. La calvitie. Naam. Donc, la femme, si elle est chauve, lui est permis de mettre la perruque à condition de ne pas ruser dans les endroits et les moments où il ne faut pas ruser. Naam. C'est-à-dire comme le jour où quelqu'un va lui demander sa main. Elle est obligée de dire que je n'ai pas de cheveux. Ce que tu vois sur ma tête, c'est une perruque. Naam, je suis malade, je suis chauve, je suis en train de me soigner, alhamdoulilah. Jusqu'à présent, je n'ai pas de cheveux. Naam. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2709: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا في السلطان ولي من ولي له. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith 2709: toute femme, aujourd'hui ça parle des femmes, toute femme qui se marie sans la permission de son tuteur, son zawaj, son mariage est nul. Son mariage est nul, son mariage est nul trois fois. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète une chose trois fois, c'est que c'est vraiment grave. Naam. Il a dit maintenant, si l'homme est rentré, il a consommé le mariage avec une femme qui n'a pas eu l'avis de son tuteur, alors il a dit, il lui donne quoi? Il lui donne sa dot. Naam. Il lui donne sa dot. Pourquoi? Pour avoir consommé le mariage. Mais bien sûr, il se sépare. Il se sépare et lui donne sa dot car il a consommé le mariage. Il a dit maintenant, s'il se dispute, il y a qui? Il y a le gouverneur. Ils vont aller chez le juge musulman qui va leur dire ce qu'il doit faire. Donc aucune femme en islam n'a le droit de se marier sans qui? Sans le tuteur. C'est pour ça que quand une reconvertie rentre en islam, alors là elle n'a plus de tuteur. Pourquoi? Parce que son père, il est toujours mécréant, ses frères sont toujours mécréants, donc ils ne peuvent pas être des tuteurs. Donc elle va chercher le côté islamique officiel, un centre, ça représente l'islam par exemple en France. Elle demande là-bas est-ce qu'il y a celui qui la marie. Si elle ne trouve pas, elle va chez un imam. Elle va chez l'imam de la mosquée, elle lui demande de la marier. Si personne n'accepte de la marier, elle cherche un frère qui est mashallah dans le din et elle lui dit, est-ce que vous pouvez me marier? J'ai pas tout le monde, personne, pardon, n'a accepté de me marier. Naam. Et c'est lui qui la marie billah, pourvu qu'elle passe par les étapes que je viens de citer. Elle commence par la chose officielle qui représente les musulmans, sinon elle va au imam, sinon elle va à un frère. Elle demande à une sœur, est-ce que ton mari, vous êtes dans le minhaj, vous êtes mashallah, est-ce qu'il peut me marier par exemple? Naam. Et il sera son tuteur à sa place. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2720, j'arrête inchallah dans ce hadith. Naam. Ou bien j'ajoute deux hadiths, comme ça je termine la page. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyah iyyahu laqiya Allah azza wa jal sariqan. Subhanallah al-azim. Hadith 2720. Il a dit quiconque, naam, c'est endetté. Quiconque s'est endetté alors que dans son intention il avait la niya, l'intention de ne pas rendre cet argent. Naam. Quand quelqu'un vient chez toi, il te dit pardon, prête-moi 1000 euros, je suis dans le besoin. Est-ce que toi tu sais s'il va les rendre ou il ne va pas les rendre? On ne sait pas quelle est son intention. Peut-être il a dit, Inch'Allah, dans son cœur, je vais travailler, je vais les rendre. Ou bien peut-être il a dit, je vais les escroquer, je ne vais pas lui rendre cet argent, pourvu seulement qu'il les donne. Naam. Ici, le prophète a dit, quiconque emprunte de l'argent avec l'intention de ne pas les rendre, lorsqu'il rencontrera Allah, subhanahu wa ta'ala, il le rencontrera en tant que voleur. Naam. Si tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala demain, il va le rencontrer en tant que voleur. Naam. C'est pas un voleur celui-là, c'est un grand voleur, subhanallah al-azim. Naam. Et c'est pour ça que dans un autre hadith, il n'est pas là devant moi, mais il est toujours dans Sahih al-Jami'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque emprunte de l'argent avec l'intention de rendre cet argent, yani plus tard, celui-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui rendre son argent. Subhanallah al-Azim. Celui-là, c'est Allah ta'ala qui va l'aider pour qu'il rende son argent. Naam. Ici dans cette dunya, avant de mourir. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit quiconque emprunte de l'argent et dans sa niya il va dire je vais rendre mon argent, je vais rendre l'argent quand je peux, dès que je peux, celui-là Allah ta'ala va l'aider pour qu'il paye ses dettes. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose avec sincérité, il a fait une chose tout en ayant peur d'Allah qu'il le rencontre demain voleur. Alors ta'ala, Allah ta'ala va aider cette personne. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2723, hadith authentique, il a dit أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. نعم لا يرث ولا يورث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait la fornication, la zina avec une femme, qu'elle soit esclave ou qu'elle soit une femme libre, nam, l'enfant qu'ils auront, c'est un enfant de la zina. C'est un enfant, yani, de parents illégaux. Donc lui-même l'enfant, c'est un enfant de quoi? De zina. Il a dit, il n'hérite pas, nam, et on l'hérite pas. Il ne peut ni hériter de ses parents, ni ses parents hérite de lui s'il meurt. Bien sûr, sauf si les trois, yani, sauf si, disons, ses parents vont devenir musulmans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si ils ne deviennent pas musulmans et ses parents meurent, il ne peut pas les hériter. Et si lui, il était riche, mashallah, il meurt, ses parents qui sont kuffar n'ont pas le droit de l'hériter en islam. Mais ce qu'on vous devrait savoir dans ce rite, c'est que quoi? C'est que le fils de la zina, c'est-à-dire l'enfant qui est né de haram, cet enfant n'a aucun péché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a fait aucun péché. Ce sont ses parents qui ont fait le péché en se rencontrant et en faisant le haram. Et ensuite, ils l'ont eu. Mais ce n'est pas lui qui a dit à son père biologique, fais cette chose avec cette femme-là, qui sera ma mère biologique. C'est pas lui qui a dit ça. Lui, il peut être parmi les premiers au paradis. S'il entre en islam et commence à appliquer, etc., il peut être parmi, yani, les premiers qui rentreront au paradis. Toutefois, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un enfant de zina, par exemple, si c'est une fille, ou bien en général, le garçon et la fille, suivent la mère et ne suivent pas le père. Naam. Car le père n'est pas leur père, et leur mère est leur mère. Naam. Ils suivent la mère, pourquoi? Parce que si elle avait voulu, elle n'aurait pas laissé l'homme faire cette chose. Puisqu'elle l'a laissé, donc elle se débrouille avec son enfant. L'enfant, c'est son enfant. Où elle va, où elle marche, il est avec elle. Naam. Et il l'hérite et elle l'hérite. S'ils sont bien sûr musulmans. Naam. Mais même s'ils sont musulmans, il ne peut pas hériter son père. Parce que son père, c'est un étranger pour lui. C'est pour ça que la fille de Zina, par rapport à l'homme qui est son père biologique, c'est une rabiba. Elle doit se comporter comme une rabiba. C'est quoi une rabiba? C'est quand un homme a déjà une fille, a une femme et une fille, il divorce cette femme. La fille est toujours avec lui, il se marie avec une deuxième femme. Naam, la deuxième femme, elle dit, c'est quoi? Pardon, je veux dire le contraire. Un homme, femme, et la femme a un enfant. Non, c'est la même chose. La femme a une fille, par exemple. Ensuite, cette femme, elle a une fille, elle se marie avec un deuxième homme. Quand elle se marie avec un deuxième homme, la fille n'est pas la fille de l'homme, mais c'est sa rabiba. Il peut l'avoir dévoilée. Pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais se marier avec elle. Il s'est marié avec sa mère. Quelqu'un qui se marie avec la mère d'une femme, il ne peut jamais épouser sa fille, même s'il la divorce. Ça? Non. Donc, elle devient ce qu'on appelle une rabiba. Elle ne se cache pas si elle veut devant cet homme, surtout s'il n'est pas vicieux. Mais elle se cachera devant qui? Devant ses enfants à lui. Car ses enfants à lui ne sont pas les enfants de sa mère. Ce sont les enfants de cet homme qui est un étranger pour elle. C'est seulement son père biologique. Naam. Il est étranger, ça veut dire, je veux dire, il n'est pas son père. Mais elle peut se dévoiler devant lui car c'est son père biologique. Mais elle se dévoile pas devant qui? Devant ses enfants. Car son enfant, s'il a un fils, il peut se marier avec cette fille. S'il a un fils, il peut se marier avec qui? Avec cette fille. Ou bien si l'homme a une fille, elle peut se marier avec le garçon, de cette femme. Donc voilà le statut de la fille qui est issue d'un mariage de zina. Voilà ce que je voulais dire, inshallah ta'ala, pour ce soir. On va passer, inshallah ta'ala, aux questions. Enfin, je donne directement la parole ou bien la question à Mourad. Mourad 3477. Tafadla. S'il est là, celui qui nous lit les questions, Faliya Tafadla. Naam, wa jazakumullah khair. طيب واش كي لي سولو كي ليزي لي كيسيون عبد الغني است كيو لو ميكرو عبد الغني عبد الغني 12 است كيو لو ميكرو طيب peut-être que Mourad est occupé ou là je ne sais pas quoi. On passe à qui? On passe à Amatullah. Alhamdulillah. Naam. Donc Abd el Ghani, je ne sais pas s'il est là aussi. Hein? Non, Afwan. Alas. Tayyib. Amatullah, alhamdulillah. On attend ta question, inshallah. Tayyib. S'il y a quelqu'un qui peut lire les questions, qu'il lève la main, inshallah ta'ala. Et qu'il vienne juste à lui. Yani, il descend sa main, il la relève. Il se trouvera après Abd el Ghani. Inch'Allah ta'ala, lis-nous les questions. Fadal. Salam alaikum, j'ai pas bloqué, mais j'ai pas encore reçu les messages. Salam alaikum, j'ai pas encore reçu les messages. J'ai pas encore reçu de message. Ibrahim, tu n'as pas les messages, ils sont ici affichés. Tu ne lis pas avec nous, tu ne lis pas la question de Amatullah, Alhamdulillah. Ibrahim, il n'y a pas de message à recevoir. Tu lis seulement les questions qui sont posées sur l'écran. Naam. On ne va pas t'envoyer des PV. Tu lis ce qu'il y a ici. Tafadla, je te donne le micro. Ok, ok, j'ai compris, Inch'Allah. Donc, Amatullah, c'est à toi de... En fait, Ibrahim Khalil n'a pas compris ce que je veux dire. Non, n'a pas compris ce que je veux dire. On va passer à un autre. Parce que je lui ai demandé de lire. Et lui n'a pas compris. Non. Tayyib, fait un autre qui fait un autre qui peut lire. Tayyib, fait un autre qui peut lire. معليش جو في لير ان شاء الله تعالى مو طيب c'était juste pour me reposer un peu. لحظة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ, j'espère que vous allez mieux depuis la dernière fois. الحمد لله, je vais bien, الحمد لله. نعم. بارك الله فيك. J'espère. J'ai deux enfants, cher, et le papa me met en طيب بارك الله فيهم في الأولاد. Et le papa me met en difficulté, il ne m'aide pas financièrement. Mais le souci, نعم, c'est que j'aimerais, نعم, طيب, où est-ce qu'il est Youssef al-Jazairi? Je le vois pas. نعم, je vois pas Youssef al-Jazairi. Il avait la main levée, mais je le vois pas. طيب. طيب, Youssef al-Jazairi, تفضل. Salam alaikum, cher. Simplement, j'ai été déconnecté, j'ai plus la question devant moi. Est-ce que vous m'entendez là? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'espère que vous allez mieux depuis la dernière fois. J'ai deux enfants, cher. Et le papa me met en difficulté, il ne m'aide pas financièrement. Mais le souci, c'est que j'aimerais voyager en présence de mon mahram, qui est mon père, avec mes enfants en Algérie, mais il ne m'autorise pas car il. Mais il ne m'autorise car il veut se venger. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour le raisonner, cher? Et quels sont mes droits? Barakallahu fik, cher. Allah yahafzak, amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Le mari, en islam, n'a pas le droit, par exemple, d'empêcher, par exemple, que sa femme n'est de relation, par exemple, avec ses parents. Naam. Il peut l'empêcher, par exemple, qu'elle aille chaque jour chez ses parents, qu'elle aille chaque semaine, comme ça, si elle exagère. Mais, par exemple, l'empêcher qu'elle n'aille pas du tout, ou bien l'empêcher qu'elle aille les jours où vraiment c'est important, les jours des mariages, le mariage de sa sœur, le mariage de son frère, il l'empêche, ça rentre. Ça va à l'encontre du verset qui dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah Ta'ala a dit et yani, vivez avec elle dans, disons, le ma'ruf. Non, le ma'ruf dans les choses yani, qui sont bien, qui sont recommandées, etc. Et pour la femme, si c'est le mariage de son frère ou la jeune, subhanallah al-adhim, s'il l'empêche, ça va vraiment faire des problèmes. Sauf bien sûr, il peut l'empêcher si dans le mariage il y a le haram. S'il y a la musique dans le mariage, la mixité, etc., il dit, moi, je t'empêche. Non, je t'empêche à cause du haram, pas à cause du mariage, mais à cause du haram qu'il y a dans le mariage. Donc, il ne souhaite pas que je parte, même si je suis avec mon mahram, qui est mon papa. Naam, premièrement, on ne sait pas où va aller cette sœur, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas. Pourquoi exactement il n'accepte pas? Sûrement, il y a des choses. Où est-ce qu'elle va aller exactement là-bas? Naam. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, etc. Je dois me faire soigner, Cheikh. Naam. Je dois me faire soigner. Donc, cette personne, Inch'Allah Ta'ala, sa femme, essaye de le convaincre. Naam. En lui parlant avec douceur. En lui parlant, yani, gentiment. En lui faisant venir des gens qui le respectent. Je suis divorcé. Divorcé depuis combien de temps? Naam. Divorcé depuis combien de temps? Alors, ça devient donc bizarre. Quel droit a-t-il, puisque tu es divorcé depuis un an? Quel droit a-t-il sur toi pour t'empêcher? Je n'ai pas compris. Une femme divorcée depuis un an, elle n'a rien à voir avec le mari, elle n'a aucune relation avec lui, c'est une étrangère. Est-ce que je peux lui donner des nasihas? Pourquoi tu lui donnes des nasihas alors qu'il n'a rien à voir avec toi? C'est un étranger, tu connais pas, il ne te connaît pas, pourquoi tu lui donnes des nasihas? J'ai pas compris. Cet homme, c'est un étranger pour toi. Si vous vous parlez, c'est haram. Si tu parles avec lui déjà, c'est haram. Parce que c'est un étranger pour toi. Il ne comprend pas pourquoi. Est-ce qu'il vit avec toi? Il vit avec toi dans la même maison, l'Ort. Est-ce qu'il vit avec toi dans la même maison? Et alors? J'ai pas compris vraiment, c'est. Bien sûr! Subhanallah al-Azim! Subhanallah al-Azim! C'est vraiment. Ça, j'ai jamais entendu cela. Il ne laisse pas voyager avec les enfants. Ah, maintenant c'est une question de loi. La loi française, je crois, interdit à la femme de sortir avec les enfants sans la permission. Naam, ça c'est autre chose. Ça ce n'est pas l'islam. Ça c'est... Naam, ça c'est quoi? C'est la loi. Ça maintenant, il faut lui envoyer des gens qui peuvent le convaincre. Des gens devant lesquels il a honte de dire non. Naam. Naam. Lui envoie, par exemple, je ne sais pas s'il est bien avec ton père. Je ne crois pas que quand quelqu'un divorce, il aime le père de sa femme. Je ne crois pas. Tu peux le convaincre, Naam. Ou bien en lui parlant, ou bien en lui envoyant des gens pour essayer de le convaincre. Naam. Moi, je te montre, Inch'Allah Ta'ala, comment c'est en islam. Et que tu peux voyager sans lui, bien sûr. Mais, maintenant, comment tu vas arriver? C'est à toi, Inch'Allah Ta'ala, de trouver la ruse qui est permise, Inch'Allah Ta'ala, pour le convaincre, jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, qu'il te signe les papiers. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufraq. Mourad, on revient à toi. Naam. Mourad, on revient à toi, Inch'Allah Ta'ala. Puisque tu as dit que tu étais là. Tafadhal. Et Youssef, prépare-toi pour lire. Inch'Allah, tu es là, Mourad. Taïeb, pour ne pas perdre de temps. Mariam, tafadlali. Taïeb. Salam alaikum, cher. En fait, Mourad, il m'a envoyé la question en privé. Je peux lui prendre parce qu'il n'arrive pas à la mettre ici en public. Salam alaikum, je voudrais savoir si c'est possible d'écouter des cours autres que dit Salaf, comme Tariq Ramadan. À savoir comment je pourrais apprendre l'arabe, sachant que je n'ai pas la volonté. J'aimerais partir apprendre dans un pays arabe. De plus, j'ai peur pour ma fille en restant vivre en France. J'aimerais immigrer, car je suis repenti il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas beaucoup les moyens financiers. Vous m'entendez là? Non, mais je répète, Inch'Allah. Je voudrais savoir si c'est possible d'écouter des cours autres que dit Salaf, comme Tariq Ramadan, et savoir comment je pourrais apprendre l'arabe, sachant que je n'ai pas la volonté. J'aimerais partir apprendre dans un pays arabe. De plus, j'ai peur pour ma fille en restant vivre en France. J'aimerais immigrer, car je suis repenti il n'y a pas longtemps. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En principe, quand quelqu'un se dit qu'il est du minhaj des salafs, alors dans ce cas, il n'a plus le droit d'écouter des cours qui sont donnés par des gens qui ne sont pas du minhaj salaf ou qui se disent contre le minhaj salaf. Naam, quand quelqu'un est du minhaj salaf, il n'a plus le droit d'écouter des cours qui ne sont pas du minhaj salaf parce que ça va l'embrouiller, ça va le perturber. Mais celui qui peut écouter, c'est quelqu'un qui a vraiment de la science. Non pas pour écouter, car il ne va rien apprendre. Il va apprendre le faux. Mais c'est juste pour connaître quels sont leurs arguments pour qu'ils puissent les réfuter, c'est tout. Quels sont les arguments qu'ils emploient pour qu'ils les réfutent, c'est tout. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de science et qui son but n'est pas de réfuter les arguments, il n'a pas le droit de rentrer, pardon, il n'a pas le droit d'écouter des doros qui sont donnés par des gens qui ne se disent pas salafis, ou bien qui prétendent être salafis, qui ne le sont pas. Naam. Et la même chose, mon frère, attendez, comment il s'appelle celui-là, j'ai oublié, mon frère Mourad, attention que tu rentres dans le paltok, dans des salles où il est interdit de rentrer. Naam. Il y a des salles qui sont vraiment dangereuses, et qui si on rentre dans ces salles, on risque de s'égarer. Et on s'égare. Et beaucoup même se sont égarés. Naam. C'est pour ça que on est obligé de bien être sur ces. Hein? J'ai dit rentrer dans les salles qui sont graves. Non. Mais comme les salles ne sont pas connues de tout le monde, non? Comme les salles ne sont pas connues de tout le monde, voilà, inshallah ta'ala, un site. Voilà un site sur lequel tu peux cliquer pour connaître quelles sont les salles, les salons dangereux. Les salons dangereux à n'y jamais y accéder. Les salons qu'il faut éviter pour ne pas rentrer dans ces salons, car on s'embrouille, on commence à avoir des ambiguïtés et on va s'ébranler et on va y aller changer de minhaj ou l'iyadu billah pour mourir et se trouver en enfer. Pour mourir et se trouver en enfer. Et l'une des salles la plus dangereuse que je connaisse jusqu'à l'instant pour le paltok, elle s'appelle Ansar Tawhid. Elle s'appelle Ansar Tawhid. Quand je dis dangereuse, c'est pas parce que ceux qui la gèrent ont la science. Non, ceux qui la gèrent eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas de science et qu'ils ne font pas la différence entre un verset et un hadith. Ceux-là, eux-mêmes, ils le reconnaissent. Mais ils ont des tapes à l'œil. Ils vont te faire des anachides, ils vont te parler des bombes, etc. Ils vont faire, yani, revivre quelque chose dans ton cœur. Tu dis, Allah. Donc il faut faire le djihad, il faut ceci, il faut cela. Ils vont te gonfler, ils vont gonfler la personne. Et ensuite, juste une petite épine et la personne éclate. Et elle se trouve, yani, assise par terre, pour que si elle meurt, elle ne fait pas le repentir, c'est trop tard pour elle. Elle sera, comme a dit le prophète, un chien de l'enfer. Donc fais bien attention aux salles dangereuses. Ah là, ils te prennent par les sentiments, ils vont te faire pleurer, ils vont te dire on nous a pris nos sœurs au commissariat, on leur a fait ceci, on leur a enlevé les vêtements, on a fait ceci. Tu commences à pleurer, et ensuite, comme j'ai dit, tu te trouves vraiment à l'encontre du chemin du prophète sallallahu Naam, ne rentrez pas dans ce salon, même par curiosité, car vous leur accordez de l'intérêt, vous pouvez mettre votre foi en péril. Naam, quand quelqu'un entre dans une salle pareille, ça va lui faire plaisir. Ils vont dire, Masha'Allah, nous qui d'habitude, on dépassait jamais le nombre de 10, on est Masha'Allah, on est 15, on est 20. Ça va leur faire plaisir, Naam. Donc, il faut les isoler avec l'intention d'avoir des récompenses. Tu dis, je rentre pas dans cette chose qui est interdite pour que Allah Ta'ala me donne des récompenses. Naam. Et pour l'arabe, monsieur Mourad, toi-même, ya akhi, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, j'ai pas la volonté. Quand tu dis, j'ai pas la volonté, il est très difficile que quelqu'un te fasse apprendre une chose, yani, sans qu'on ait la volonté. Il faut donc que tu te dises que l'arabe est obligatoire à apprendre. L'arabe est nécessaire à apprendre. Naam. Tu peux apprendre même via Paltok. Mourad. Des gens, beaucoup de personnes ont appris seulement du paltalk. Naam. Je connais des gens qui, du paltalk seulement, ont appris à un point que ces personnes, des fois, me posent des questions, je n'ai pas de réponse. Tellement elles connaissent, mashallah. Et il y a des sœurs qui sont des spécialistes dans l'analyse, l'arabe. Naam. Une sœur qui est née à, je ne sais pas, à Paris ou là. Elle peut analyser des phrases. Allah, comment c'est venu? C'est venu avec la volonté et tawfiq min Allah Ta'ala, la réussite qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, car il a dit dans le Coran, si Allah Ta'ala sait que du bien, alors il vous donne du bien. Toi, mets en son dans ton... et tu verras que Allah Subhanahu wa Ta'ala va t'ouvrir les portes. Moi, je connaissais une personne qui n'est jamais allée à. Donc, qui ne connaît un mot en arabe, je dis aucun mot, mieux encore, qui ne connaît aucune lettre en arabe. Tu lui montres le ba et le sa, le sin, elle fait pas de différence. Cette personne m'a dit, Wallahi, quand je vois quelqu'un lire le Coran, j'ai des larmes, je me sens vraiment chagriné. Il me dit, je vais à la maison, j'ouvre le Coran. Il n'y a rien, je ne peux pas lire. Et je dis, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, aidez-moi seulement pour que j'apprenne l'arabe, seulement pour le but d'apprendre le Coran, pardon, de lire le Coran. Ya Allah, ce livre est très cher pour moi, très très cher. Mais je ne peux pas le lire, je ne connais pas l'arabe. Ya Allah, aidez-moi. Cette personne, je jure par Allah que elle n'a fait ni stage, ni à aller au palto qu'apprendre. Et maintenant, elle lit le Coran comme je le lis moi et comme vous le lisez vous. Naam, elle ouvre comme ça le Coran et commence à lire. Naam, bien sûr, avec un peu de difficulté, parce que c'est une personne analphabète, mais maintenant, elle lit le Coran du début à la fin. Subhanallah l'azim. Des gens sont allés à l'école pour apprendre, ils n'ont pas appris. Et cette personne, Allah Ta'ala lui a donné cette chose, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, quand il voit dans ton cœur que tu veux la chose, tu es sincère, tu la veux pour lui, hein? Cette personne a dit, je veux apprendre pour lire à Allah le Coran, pour avoir des récompenses. Ce n'est pas pour faire l'ostentation, là, pour lire. Et subhanallah l'azim, Allah Ta'ala lui a fait apprendre. Faites-moi des doigts, je dis que tout le monde dans le salon. Naam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك وأن يعلمك اللغة العربية حتى تفقه بها دينه عز وجل وتكون وسيلة إلى أن تفقه في دينه. On t'a fait inshallah ta'ala un dua. Maintenant, nous on t'a fait un dua. Maintenant, toi tu nous fais des dua pour que le dua qu'on a fait soit accepté. Femme, toi, tu fais le doua pour que ces doua-là seront acceptés, inshallah. Taïb, on passe à Maryam. Tafadlali. Fika barakallah. J'ai posé ma question déjà. Taïb, le frère Youssef va nous dire si tu l'as posé. Moi, je ne l'ai pas vu. Tafadlali, Youssef. C'est moi comme. Non, je ne vois pas la question. Je pense qu'elle elle a été trop longue. Il faut la couper en deux, je crois. Or, Maryam, ils disent que. Ils n'ont pas vu ta question, inshallah ta'ala. Est-ce que c'est possible de la recopier de l'écran? Tu la recopies de l'écran et tu la colles, bien sûr, en la coupant en deux. Car si elle est formée de plus de 5 lignes, elle ne peut pas passer. Tafadhali. Maryam, on attend, inshallah ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Youssef, je te donne le micro. Ça m'a comme smahli, cher, mais je ne vois pas de questions en fait là. Je ne vois pas de questions, smahli. Je dois pas partir. Salam alaikum, cher. Je dois partir demain à Paris. Je ne peux couper mon jeûne. Car. Je dois partir demain à Paris, je ne peux couper mon jeûne car j'ai peur d'avoir un malaise, je suis cardiaque. Et j'ai la migraine et le vertige. Et s'il m'est possible de rattraper mon jour. Je vais répéter inchallah toute la question. Salam alaykoum cher, je dois partir demain à Paris, je ne peux couper mon jeûne car j'ai peur d'avoir un malaise. Je suis cardiaque et j'ai la migraine et le vertige. Et s'il m'est possible de rattraper mon jour, je fais ramadan pour la première fois. Elle habite à Mormant, à plus d'une heure de Paris. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib, Inch'Allah ta'ala, puisque tu es comme Naam, et en plus de cela. Et en plus de cela, tu es voyageuse. En plus, tu es voyageuse. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu peux voyager plus tard, après le Ramadan, rattraper, manger, et après le Ramadan, tu vois. Si tu sens que tu es guéri, c'est pour faire la zakat à la mosquée. C'est quelle zakat? Je n'ai pas compris. Quelle zakat que tu vas faire? J'ai pas compris. Naam, c'est quelle zakat que tu vas faire? Et qu'est-ce que ça veut dire que tu vas faire la zakat à la mosquée? Il n'y a pas de pauvre ici. Naam. Pardon. Donc je vais donner argent à la mosquée. Naam. Pour les pauvres. Écris-moi un numéro 1 si c'est ça. Donc tu vas voyager jusqu'à la ville Paris pour donner la zakat. Est-ce que c'est ça? Naam, naam, naam. Premièrement, la zakat pour la donner. Premièrement, la zakat pour la donner, il faut que l'argent qu'on a, il faut qu'il reste une année chez nous. Et toi, masha'Allah alik, tu viens de te reconvertir il y a seulement quelques semaines. Donc, pour toi, la zakat n'est pas encore arrivée. Le jour où tu dois donner la zakat, c'est exactement pas maintenant. Donc, de ce côté, inshallah ta'ala, tu dois être rassuré, tu n'as pas de zakat à faire. Pourquoi? En islam, naam, naam. Shift. Heureusement que tu as posé la question. Tu es allé te déranger alors que ce n'était pas obligé que tu le fasses. Et encore, tu es allé aussi manger. Naam. Donc, tu n'as pas de zakat à faire car en islam, quand on a l'argent, il faut que cet argent dépasse une certaine somme. Ce n'est pas celui qui a 10 ou 20 ou 100 euros qui va faire la zakat. Il faut que cet argent dépasse une certaine somme. C'est la première condition. Et la deuxième condition nécessaire, il faut que l'argent soit resté une année sans que il ne soit descendu de la somme demandée. Sans que il ne soit descendu de la somme demandée. Ici au Koweït, il faut avoir au moins 270 dinars à peu près. Naam, ici au Koweït, il faut avoir donné 300 dinars. Naam, les 300 dinars, chaque dinar c'est 2 euros et quelques. 2 euros et quelques. Donc il faut avoir presque à peu près 700-800 euros. Naam, ici au Koweït, ah, bien sûr. Chez vous, je ne sais pas c'est combien la somme. Je ne sais pas, car elle varie d'année en année. Elle varie d'année en année. Mohim, donc ce n'est pas la peine de faire le voyage. Et tu vois, si tu peux jeûner, si tu ne peux pas, tu manges. Allah Ta'ala t'a donné la permission de manger. Et après le Ramadan, tu vois, tant que tu as guéri, masha'Allah, tu rattrapes. Si tu sens que ta maladie est du genre qui est toujours avec toi, collée à toi, tu demandes à Allah Ta'ala qu'il te guérisse. Dans ce cas, tu nourris pour chaque jour manger un pauvre. Tu nourris pour chaque jour manger un pauvre. Ensuite, quand on donne la zakat, autre chose, je vais te dire autre chose. Supposons maintenant que tu as, par exemple, la somme nécessaire et que l'argent est resté chez toi une année. Tayyib. Écris-moi en numéro 1 si tu m'entends. Je répète, supposons que l'argent soit resté chez toi une année et que tu as la somme, bi'idna ta'ala, nécessaire. Non. Même en ayant l'argent nécessaire et la somme nécessaire, et alhamdoulilah, il y a eu, ça fait une année que j'ai cet argent, je ne suis pas obligé en islam de la donner seulement aux pauvres. Non. Mais il y a huit catégories de gens à laquelle on peut donner la zakat. Je suis en train de parler de la zakat de l'argent. Je ne suis pas en train de parler de la zakat du Ramadan. J'ai pas les moyens de verser ce montant, je gagne pas autant. Non, moi je n'ai donné aucun montant. J'ai dit à peu près, c'est tout. Non, j'ai dit la zakat, on n'est pas obligé de la donner seulement aux pauvres pour faire tout ce voyage. On peut la donner à quelqu'un qui a des dettes, un voisin, quelqu'un de la famille. Non, l'on peut donner à sa femme des dettes. Si elle a des dettes, la femme qui fait sa zakat, elle peut donner à son mari. S'il a des dettes, pourvu que les dettes ne soient pas haram, pourvu que les dettes ne soient pas à cause de l'alcool, etc. Non? Mais des dettes qui sont halal. L'épouse peut donner à son époux et l'époux à son épouse. Et nous, on peut donner à nos pères, à nos mères. S'ils ont quoi? S'ils ont des dettes par exemple. Non? Et on peut donner aussi, comme vous savez, on peut donner aux pauvres. On peut donner aux pauvres. Le pauvre, on lui donne. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas à manger. Des fois, il y a un voisin qui n'arrive même pas à payer l'électricité. Naam. Subhanallah, il travaille pas, il mange bien sûr, il boit, mais il n'a pas les moyens pour payer l'électricité. Il n'a pas les moyens d'acheter des vêtements pour ses enfants. Il n'a pas les moyens. Disons que sa paye est vraiment faible. Celui-là aussi, c'est un pauvre. Non. Ma famille est catholique. La zakat, l'argent de la zakat, on peut le donner à un kafir si c'est pour l'attirer vers l'islam. Si on a une famille, par exemple, qui est catholique, et on sait que, par exemple, par exemple, mon père, ou là, ma mère, ou là, mon oncle, par exemple, c'est le genre qui commence à pencher vers l'islam. Et que si je lui donne cet argent, il serait intéressé, par exemple, Naam, et que peut-être ça le poussera. Naam, dans ce cas, on peut donner à quelqu'un qui est kafir. On peut lui donner la zakat. Dans le sens de l'attirer vers l'islam, ou dans le sens d'éloigner de lui, Naam, les problèmes. S'il fait des problèmes aux musulmans, etc., on lui donne de l'argent. Il va s'arrêter de faire les problèmes, on peut lui donner de la zakat. Voilà, inshallah ta'ala, pour la sœur Maryam. Hi san, tafadhal. Naam, ou la hi san, ou la li san. تفضل. Salam alaikum, cher. Juste qu'il y avait Abu Layana qui voulait poser une question assez urgente. Et il y a Zakaria qui dit que la Mariam a compris qu'il fallait donner 800 euros. Zakat. Naam, c'est pour ça que je répète à Mariam pour qu'elle m'entende bien. Quand j'ai dit que ça donne à peu près 800 euros en France, j'ai dit que c'est seulement un exemple. C'est seulement un exemple, c'est pas la vraie somme. C'est seulement un exemple que j'avais donné. Naam. Voilà. Donc, Fadlan, inchallah, pour la prochaine question. Assalamu alaikum. Voilà, il y a 2 mois, j'avais une relation avec une fille koufar, c'était sérieux depuis 2 ans. Ensuite, ici, sur Paltak, je t'ai posé la question pour savoir quel était le jugement sur le fait qu'on épouse une jeune fille non muslima. Tu m'as répondu qu'on deviendrait ainsi fornicateur. Alors, j'ai délaissé cette femme, fisabilillah. Elle en a beaucoup souffert, cependant, elle s'en est remise. Maintenant, en fait, mon iman est trop bas et elle me manque beaucoup. Quelle nasiha me donnes-tu, cher, pour l'oublier? Pour essayer de ne plus la rencontrer, ça devient dramatique. Jazakallahu khair. Naam, il est interdit à un musulman de se marier avec une femme qui est mécréante. Seulement, il peut se marier avec une femme si elle est juive ou chrétienne. Naam, juive ou chrétienne, à condition qu'elle ne soit pas une esclave, qu'elle soit une femme libre et qu'elle ne soit pas une femme connue pour la zina. Naam, connue pour la zina. Tayyib. Maintenant, et bien sûr, la femme, aucune musulmane n'a le droit de se marier avec un juif ou un chrétien. Naam, c'est seulement l'homme qui a le droit et pas la femme. Et je vous ai dit une fois quelle était la différence, pourquoi c'était permis à l'homme musulman et pas à la musulmane. Je vous ai dit cette chose peut-être plus d'une fois. Naam. Donc je reviens à cette question. Si quelqu'un se marie avec une mécréante, ou bien il est lui mécréant, ou bien il est quoi? Il est fornicateur. C'est le Coran qui a dit cela. Pourquoi? Parce que le musulman, ou bien il reconnaît dans son cœur que la zina est haram et il se marie avec elle. Il reconnaît que la zina est haram et il se marie avec elle. Donc, il est comme elle. C'est un fornicateur qui a épousé une fornicatrice. Ou bien, il ne reconnaît pas que la zina est haram. Il dit non, il n'y a pas de haram ici. Alors là, il est devenu mécréant. Donc, toute personne qui se marie avec une fornicatrice, et ou bien fornicatrice comme elle, au moins, et ou bien kafir. Ou bien kafir, naam. Youssef El-Jazairi, Abou Layna veut poser une question d'urgence. En fait, chaque personne dira, j'ai une question en urgence. Naam. Chaque personne qui lève ici sa main, elle va te dire, moi aussi j'ai une question en urgence. Pourquoi ce n'est pas moi qui l'ai posée? Tu comprends, Youssef? C'est pour ça que si il y a une personne, Naam, s'il y a une personne ici qui a levé la main et qui voudrait faire passer cette personne à sa place, elle aura des ajr. S'il y a ici une personne, Oum Zakaria, Amatul Haq, Salama, Minhaj, qui dit, d'accord, donnez-moi, elle passe à ma place, Ça, c'est permis, inshallah ta'ala. Sinon, tout le monde dira, moi j'ai une question d'urgence, pourquoi il l'a mis à ma place. Surtout que je vais pas tarder à fermer le salon. Non. Donc cette personne m'excuse, ce n'est pas de. Yani, ce n'est pas à moi que ça revient. Non. Autre chose ici. Non, je continue avec le frère ici. Alors j'ai délaissé cette femme, fils Abillah, elle en a trop souffert. Elle s'en est remise. Maintenant, mon iman est trop bas, etc., etc., etc. Non. Toi, Inch'Allah, mon frère, tu as laissé cette chose, fils Abillah. Fils Abillah. Quand on laisse une chose, fils Abillah, n'oublie pas que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que quiconque laisse une chose, fils Abillah, Allah Ta'ala lui donnera mieux que cette chose. C'est-à-dire, il te donnera mieux que cette chose ici dans ce bas monde, avant l'au-delà. Alors, masha'Allah, tu as laissé cette chose, ou cette personne, et tu es en train de souffrir. Et, yani, ton cœur est en train de se déchirer, mais tu l'as fait, fils Abillah, pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, à part les récompenses que tu as, bi'ilna ta'ala, si cette femme dont tu es en train de parler, celle-là qui tu dis a souffert, et qui, Allahu alam, tu lui dis que peut-être elle t'aime beaucoup, si elle était véridique et elle t'aimait, comme tu dois le penser, alors ça n'aurait pas été difficile pour elle de rentrer en islam pour que tu l'épouses. Voilà moi ce que je pense. Je dis, si vraiment tu prétends m'aimer et que tu souffres, etc., donc voilà une solution. Rentre en islam et je t'épouse. Pourquoi tu rentres pas en islam si vraiment tu m'aimais? Une fois, une personne ici, je ne sais pas qui, elle a écrit, quand on aime quelqu'un, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on casse les montagnes, les océans, les mers, les étoiles. Je sais pas ce qu'elle a dit. La même chose ici. Si vraiment cette personne t'aime, alors qu'elle rentre en islam, et mashallah, elle a gagné deux choses. Elle a gagné un mari qu'elle aimait, elle a gagné le paradis. Mashallah, où est-ce qu'elle trouve cette chose? Naam. On passe à Oum Zakaria, inshallah. Mais si, mais elle me disait qu'elle avait besoin de temps, et puis le temps passait, rien ne s'est passé. Naam. Naam, rien ne s'est passé, Hicham. Donc, ce qu'elle disait, ce n'est pas vrai. Sinon, tu es sûr que elle va venir en islam, alors attends-la. Naam. Dis-lui, j'attends. Je t'attends, je te donne, Inch'Allah, 5, 6, 10 années, je t'attends. Et on va voir. Naam. Maintenant, si elle est vraiment sincère, elle va pas tarder. Elle va pas tarder à rentrer. Naam. Sinon, Allah Ta'ala te donnera mieux qu'elle. Naam. Chaque personne qu'on aime, c'est une règle. Et quiconque, écoute, lis le verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et le prophète a dit, quiconque abandonne une chose pour complaire à Allah, celui-ci lui remplace par une chose meilleure. Hisham, tu sais très bien que chaque personne qui aime une autre personne croit que cette personne, aucune autre personne ne peut être comme elle. Ni dans la beauté, ni dans la gentillesse, ni dans le comportement, ni dans la. Non. Chaque personne qui aime une autre personne va lui trouver toutes les qualités du monde. Pourquoi? Parce qu'elle porte des lunettes d'amour. Elle a des lunettes d'amour sur ses yeux. Puisqu'elle l'aime, khlas, elle est devenue aveugle. Elle voit que cette personne, si jamais elle va pas se marier avec elle va suicider, elle va mourir, elle va se. Et tout cela, ce n'est pas vrai. Dès que on se remarie avec la nouvelle, elle nous fait oublier la première. Et dès qu'une femme se marie avec le nouveau, elle oublie le second. Pardon, le précédent. Et comme ça. Naam, l'habitude, comme on dit, est une seconde nature. Avec l'habitude, naam, ça va vite te faire oublier. C'est pour ça que je dis toujours, et je donne toujours comme exemple, celui qui a le cœur, yani attaché par une personne, qu'est-ce qu'il fait? De haram, etc. Qu'il s'éloigne d'elle, et que vite, il va voir quelque chose de halal et il commence le mariage. Il s'éloigne du haram et hop, il demande la main d'une sœur ou bien elle. Yani, elle fait de sorte qu'on vient lui demander sa main et hop, le nouveau mariage oublie le passé bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ici j'ouvre une parenthèse qui n'a pas ce que je viens de dire, mais la fois passée une sœur, je ne sais pas, peut-être une semaine, m'avait posé la question qu'elle allait avorter bientôt et que qu'est-ce qu'elle devait faire pour le jour où elle allait avorter. J'avais répondu comme ça, avec, je me souviens, j'avais très mal à la tête, de ce que je savais. Naam. Et ensuite, le lendemain, naam, quand je suis revenu à yani, mes résumés, etc., je me suis dit, subhanallah, cette chose, je la connais très bien, mais je ne sais pas pourquoi j'ai répondu comme ça à la sœur. Naam. Car la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Que toute femme qui avorte, on va... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, il faut apprendre cette règle, inshallah ta'ala. Je vous l'ai dit déjà une fois, quand on a parlé sur yani, les doulous, des monstrues et des logis. Mais comme ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et que j'avais mal, je l'ai oublié. C'est pour ça que je le redis maintenant, pour que quiconque connaît cette sœur, qu'il le lui dise, bidnat Allah. Et en même temps, vous la prenez pour vous, car vous serez beaucoup questionné sur cette chose. Regardez la règle, toute femme qui avorte, sans parler, maintenant je vais pas parler de l'avortement, est-ce qu'il est halal ou la haram? Ça, il a trois cas. Maintenant, je parle seulement de toute femme qui avorte. Elle doit avoir seulement Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Barakallahu fikum. Je parlais de une sœur qui m'a demandé, ça fait pas longtemps, qu'elle allait avorter. Pardon, elle allait avorter. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle jeûne ou elle jeûne pas? Je dis que la règle qu'il faut retenir à ne pas oublier, surtout vous les femmes et les sœurs, car on vous posera beaucoup cette question. Quand une femme avorte, c'est quoi la règle? On regarde qu'est-ce qu'elle a avorté. Si la chose qu'elle a avortée a une forme humaine, ça y est, on voit la tête, les jambes, les pieds, etc. Donc, cette femme est en période de logis. Et elle ne fait ni la prière ni le jeûne jusqu'à ce qu'elle se purifie. Maintenant, si ce qu'elle a accouché n'a pas de forme humaine, c'est comme ça par exemple un carré ou un bout de chair ou un bout de viande, ça n'a pas de forme humaine, alors cette femme, elle s'essuie, elle se lave ses parties et jeûne. Si elle est au Ramadan, en plein Ramadan, elle continue à jeûner et elle fait la salate. Et Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris, je vais réexpliquer car c'est très important et très vite. Et Youssef et Abdel Ghani, vous me dites, et même Ort, vous me dites si vous avez compris ou pas. Quand une femme avorte, on lui dit, écoutez ma soeur, quand vous avez avorté, la chose que vous avez avortée avait une forme humaine ou n'avait pas de forme humaine? Si elle dit si, elle avait la forme humaine, on lui dit alors tu es dans les logis. Arrête ta prière et arrête de jeûner jusqu'à ce que tu te purifies. Si elle dit non, c'est quelque chose qui n'a pas de forme humaine, comme ça, un morceau carré, on lui dit alors, continue à jeûner, ne romps pas ton jeûne, et continue à quoi? À faire la prière, car tu n'es pas dans les logis, seulement tu te laves les parties et tu continues. Je parle d'avorter, hein, quand une femme va avorter. Naam. En arabe, on dit l'ijhaz. Et les ulama ont dit, pour que la chose avortée, pour qu'elle ait une forme humaine, il faut au moins 81 jours. Il faut au moins 81 jours. Si une femme a avorté avant les 80 jours, naam, elle n'est pas dans les logis. Elle doit continuer à faire la prière et le jeûne. Après les 81 jours que se dessinent les formes de la personne que Allah Ta'ala a créée. C'est là qu'elle rentre dans les logis. Tayyib, Abdel Ghani, Youssef et Ukht Salafia. Est-ce que vous avez compris? Naam, avorter, c'est se débarrasser volontairement. Ijhaz, naam, volontairement on l'a fait. Naam. Tayyib, Youssef, il a compris. Abdel Ghani, tu as compris? Orsalaf, tu as compris? Abdel Ghani, tu as compris? Ça coupe le son chez moi. Naam. Alhamdoulilah, ça coupe chez toi. Là, c'est pas la peine d'apprendre cette chose. Inch'Allah, ta femme ne va pas avorter. Allez. Tayyib. Zakaria, ta fadlali. Youssef, ta fadlal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ramadan kum mubarak. Je voulais savoir comment déceler un cas de possession chez une personne, comment lui faire ruqya si elle refuse. Et aussi, pensez-vous donner des cours sur la ruqya comme vous l'aviez dit lors d'un cours? Barakallahu fikum wa jazakallahu wa Allahu ishafik. طيب طيب يوسف واش كاين يوسف يوسف طيب il est là. Je t'ouvre mon PV pour m'envoyer, inshallah ta'ala, la question que tu as dit que c'était très important. Naam. La question qui est très importante, tu l'as mis ici, inshallah ta'ala, dans mon PV pour que, yani, on ne va pas laisser cette personne comme ça, yani. Peut-être que elle a des problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'urgent. Naam. Comment déceler un cas de possession chez une personne, comment lui faire la vraie de l'autre? Naam. Les cas de possession diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Mais on sent que le comportement de la personne, subhanallah, il a changé. Des fois, il n'aime plus manger. Des fois, il n'aime plus cette personne qu'il aimait. Des fois, mais surtout, yani, s'il s'évanouit. Surtout s'il tombe comme ça, il s'évanouit et il commence à dire n'importe quoi. Il commence à dire des choses, etc. Ça, c'est que vraiment, il a été possédé. S'il arrive à tomber et à commencer à dire n'importe quoi, c'est que vraiment, cette personne est possédée. Pourquoi j'ai dit elle tombe et elle dit n'importe quoi? Il est possible qu'une personne tombe et ne dise rien. Comme par exemple, les gens qui ont l'épilepsie. Il tombe ensuite, il a des crises ensuite, c'est la salive qui commence à sortir de sa bouche. Celui-là, il n'est pas possédé. Il a ce qu'on appelle la crise d'épilepsie. Mais s'il commence à parler, hein, vous ici tous, je vais vous tuer, vous m'avez fait ceci, cela, cette femme, je l'aime, ça, je veux l'épouser, des choses comme ça. Non, ça veut dire que celui-là est possédé. Il est possédé d'âme. Mais, comme j'ai dit, bon, il y a plusieurs cas de possession, c'est pour ça que ça diffère d'une personne à l'autre. Non. Et comment lui faire la ruqya si elle refuse? Non. Plusieurs personnes ont fait la ruqya à une personne qui refuse. On lui fait venir, par exemple, la ruqya, et déjà on explique à celui qui veut faire la ruqya que la personne refuse. Yani que pour que, yani celui qui fait la ruqya, pour qu'il ne soit pas vexé. Non, s'il rentre chez elle, elle n'accepte pas. Et ensuite, quand il est arrivé, on dit à la fille ou à la femme, là, c'est trop tard, classe. Maintenant, il y a quelqu'un qui va rentrer pour te faire la ruqya, elle va dire non, et c'est rendu, là, c'est trop tard, il faut que tu acceptes. Et elle sera obligée d'accepter à la dernière minute, même si elle dit non, etc. Il faut lui faire rentrer cette personne. Naam. On lui met un foulard sur la tête, et on lui dit rentre. Naam. C'est trop tard. Maintenant qu'il est venu de loin, etc., on ne va pas yani, suivre le malade. Naam. Mais auparavant, si on peut, on essaie de le convaincre. Son père lui parle, sa mère lui parle, ses frères lui parlent. On lui dit c'est pour ton intérêt. Plusieurs personnes croyaient qu'il n'avait rien alors que. Quand ils ont fait la ruqya, ils ont trouvé des choses. Et puis la ruqya, c'est pas parce que yani, c'est quelque chose de... C'est pas un aïb. C'est pas quelque chose de aïb. C'est une maladie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu es toi mieux que lui? On lui a fait du sihr. Le prophète, que la paix soit sur lui, on lui a mis du sihr et de la sorcellerie. Est-ce que toi, tu es mieux que le prophète? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, naam, il y a deux anges qui sont venus, Jibril et Mikaïd, pour lui apprendre que je croyais Israfil, pour lui apprendre que quoi? Qu'il était, yani, il avait le sihr, et on lui a montré où il était le sihr, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé de lui ce sihr. Naam. J'ai parlé des cours de la ruqya, et j'ai dit que ce n'était pas pendant le ramadan. Mais inshallah ta'ala, après le ramadan, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Amatul haq, tafadhali. Dans 7 minutes, inshallah, on arrête. Rappelez-moi, inshallah, ta'ala, dans 7 minutes. Ce sera chez moi et 15. Si ça ne passe pas, il faut la couper ou bien l'envoyer à une sœur qui n'a pas de point rouge. Le temps que Amatul Haq termine sa question, je réponds à la personne d'urgence qui dit que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, maintenant je viens de trouver un travail, et que cependant dans ce travail, on me permet pas de faire Salat al-Jumu'ah. On ne me permet pas de faire Salat al-Jumu'ah. Qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi des conseils. Dois-je aller à la prière du vendredi malgré tout? Nam. Et qu'est-ce que je dois faire? Nam. Je dis à cette personne que jusqu'à présent, Nam, tous les ulama que j'ai lus, je leur ai lu, ont dit que cette personne doit faire le Jumu'ah. Cette personne doit aller à la salat Jumu'ah, même si on l'a fait sortir du travail. Je n'ai pas lu cette chose chez seulement un savant, mais plusieurs. Il y a les grands savants. Ils ont dit il n'a pas d'excuse. Il quitte le travail, même si on l'expulse. Allah Ta'ala va lui donner mieux. Naam, va lui donner mieux et l'aider à trouver un autre travail de halal. De halal. Maintenant, sauf si on est voyageur. Naam, si on travaille loin. Par exemple, on travaille à 80 km ou 100 km loin de chez nous. Naam, on est voyageur. Et que la mosquée est loin. Là, on peut faire Salat al-Dhuhr à cause du voyage et non pas Salat al-Dhuhr et non pas Salat al-Jumu'ah si la mosquée est assez loin. Naam. Sinon, crains Allah subhanahu wa ta'ala et il te donnera, inshallah ta'ala, une issue. Naam. Tfadhal, Youssef. Salam alaikum. Je donne des cours de Coran, je touche une somme d'argent. J'ai lu qu'il y avait divergence à ce sujet. Pouvez-vous m'éclairer? Naam. Je donne des cours de Coran, je touche une somme d'argent. J'ai lu qu'il y avait divergence sur ce sujet. Pouvez-vous m'éclairer? Naam, la personne qui apprend pardon, qui apprend aux gens le Coran, à cette personne, il est permis qu'elle prenne de l'argent en contrepartie, non pas de lui avoir appris, mais en contrepartie de deux choses. La première, de s'être, si je puis dire, emprisonné. Naam. Maintenant, j'étais libre, je pouvais aller où je voulais. Maintenant, je suis prisonnier avec cette personne pour lui apprendre. Et la deuxième excuse, pour avoir fait des efforts. Car quand on apprend le Coran à quelqu'un, sûrement qu'on doit faire des efforts. Répète, c'est pas comme ça, non. Idram, ceci, cela, attention, répète. Naam. Et bien sûr, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il lui est permis de prendre de l'argent et le hadith, inshallah ta'ala, il est dans le hadith, pardon, il est dans Sahih al-Bukhari. Il est dans Sahih al-Bukhari, pardon, qu'on peut prendre de l'argent en contrepartie du Coran. Naam, à condition que, comme j'ai dit, il faut qu'il mette dans l'idée et l'intention que c'est à cause de quoi? À cause du temps et à cause. Cher, pourquoi dans ce cas certains disent que ce n'est pas permis? Je parle des savants. Donne-moi un savant qui a dit qu'il n'est pas permis. Amatul haq. Donne-moi un savant qui a dit qu'il n'est pas permis de prendre de l'argent contre le Coran quand on l'apprend. Donne-moi un savant. Naam, donne-moi, inshallah ta'ala, puisque tu as noté. Inshallah ta'ala, pas demain, pas demain. Vendredi prochain, inshallah. Mais, moi je te donne, puisque tu sais toi maintenant qu'il y a des avis différents. Tu sais qu'il y a des avis différents. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je t'ai donné l'avis le plus juste. Naam. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen et des grands savants. Ce n'est pas les savants. Des grands savants qui ont dit que c'est permis, Naam, à quelqu'un de prendre l'argent en contrepartie du Coran. Naam. Salam à 57. Tafadhali. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. J'ai une ambiguïté, Shubuha, que je n'arrive pas à éclaircir. Un musulman a le droit de se marier avec une chrétienne ou une juive, sachant qu'on doit prendre comme ennemi les mécréants, ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, et qu'on doit les détester. Barakallahu fikum. الأخ يوسف جزاك الله خير ريبيت جو نيتي با لا ريبيت بارك الله فيك غدوة السلام Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. J'ai une ambiguïté, Shubuha, que je n'arrive pas à éclaircir. Un musulman a le droit de se marier avec une chrétienne ou une juive, sachant qu'on doit prendre comme ennemis les mécréants, ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, et qu'on doit les détester, barakallahu fikum. Sourate Al-Maïda, verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, a dit dans le Sharh d'Usul Thalatha: Il est donc du devoir du croyant de considérer comme ennemis ceux qui s'opposent à Allah et son prophète. Serait-ce ses plus proches parents de les détester et de s'en éloigner? Ne serait-ce. Je n'arrive pas à concilier ces deux choses, le fait qu'un musulman a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive, donc qu'il va l'aimer, avec le fait qu'on doit les détester et de les prendre pour ennemis. Pouvez-vous m'éclaircir, cher, barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. En fait, est-ce que vous m'entendez? Et maintenant, Naam, en fait, il n'y a pas de contradiction entre ce que tu as dit et le fait d'épouser une chrétienne ou une juive. Parce que la chrétienne et la juive, quand on va les épouser, Naam, la plupart du temps, elles vont rentrer en islam, à force de vivre avec le musulman. Et de voir, masha'Allah, comment qu'il pratique, comment qu'il est doux, comment qu'il est gentil, comment qu'il a de la science, etc. Hein? Disons à 90%, 95%, elle va rentrer en islam. Maintenant, si elle ne rentre pas, hein, c'est elle la perdante, pas moi. Mais ce qui m'a permis de me marier avec elle, c'est qui? C'est Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, qui m'a dit de prendre les juifs et les chrétiens, et je ne sais pas qui, comme ennemis. Lui-même m'a dit: je te permets de te marier avec la chrétienne. Il a dit dans le verset numéro 5 ou 4 de sourate Al-Ma'ida. Pour celui, je n'ai pas la traduction en français. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui, il vous est permis les tayyibat, les choses qui sont bien. Wa ta'amu alladhina utul kitab hilun lakum. Et le manger des chrétiens et des juifs, il vous est permis. Il vous est permis de manger chez un juif et chez un chrétien. Bien sûr, sauf si S'il étrangle, ça, yani, ça, ces animaux. Naam, wa utul kitab hilun lakum, wa ta'amukum hilun lahum. Et votre manger est halal pour les juifs et les chrétiens. Wal muhsanat min al mu'minat. Et les femmes qui sont pas des esclaves, des croyantes, vous pouvez vous marier avec elles. Wal muhsanat min alladhina utul kitab. Voilà le verset. Et les femmes qui ne sont pas esclaves, de qui? Des gens du livre. Vous pouvez vous marier avec elles. Naam, les femmes qui ne sont pas des esclaves, des gens du livre, vous pouvez vous marier avec elles. Surat Al-Ma'ida, le verset 5 ou 6. Yusuf Jazairi, tu as le verset devant toi? Est-ce que tu peux me donner le verset 5 ou 6 de Surat Al-Ma'ida? Cherche-le, inshallah ta'ala, pour que vous voyez que c'est Allah ta'ala qui a permis aux musulmans de se marier avec la juive et la chrétienne. Allah Ta'ala lui-même qui m'a dit: tu dois avoir X et Y comme ennemis. Il m'a dit: excepté cela, je te permets de te marier avec leur femme. Je te permets, de te marier avec leur femme. Naam. Et l'avis qui dit ce que je viens de dire est l'avis de la plupart des ulama. La plupart des ulama de Al-Sunnah Al-Jama'a ont dit cette chose. Je ne connais pas à mon jour un grand alim qui a dit qu'il était interdit à un musulman de se marier avec une chrétienne ou une juive. Puisqu'il a tardé pour nous donner le verset, je vais essayer de le chercher moi aussi. طيب, on va voir celui qui le ramènera, inshallah ta'ala, le premier. طيب. Moi, yani, au Koweït, c'est pas. Comment on roule? C'est pas vite, yani, ça marche pas vite. Y a pas DSL. Naam, jazakallahu khair. Naam. Regardez avec moi. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permis la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant nous. si vous leur donnez leur mahar avec contrat de mariage non débauché, c'est pas en faisant la zina ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vain devient son action, il sera dans l'au-delà du nom. Pardon. Jazakallahu khayran Yusuf. Jazakallahu khayran Yusuf. Naam. Donc voilà, inshallah. C'est ça que j'ai pas compris. Comment concilier ces deux versets? Naam. Les versets ne se contredisent jamais. Les versets ne se contredisent jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Safiya bint Huyay, qui était une juive. S'est marié avec Safiya bint Huyay, qui était une juive. Il s'est marié avec Maria. Maria qui était une chrétienne. Naam. Et toutes machas ont rentré en islam. Naam. Il n'y a pas de contradiction entre yani. Le prophète sallam a tué avec ses compagnons presque toute la famille de cette femme, de Safiya. Son père, ses frères, ses cousins sont tous morts dans une bataille. Pourquoi? Parce que je déteste les kofars. Et en même temps, ça m'est permis d'épouser leur fille. Pourquoi? Parce que dans le but de les attirer vers l'islam, et une fille, une femme, c'est pas comme un homme. Une femme, c'est pas comme un homme. La femme, elle est là, quelqu'un attaché à son cou. Elle est toujours avec lui, c'est lui qui dépense, c'est lui qui ceci. Yani 90%, elle va finir par rentrer yani dans son chemin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Il est ici chez nous, est-il obligé de lui faire la da'wa? Naam, il lui fait la da'wa, c'est tout. Lui da'wa, mais il n'a pas le droit de la contraindre. Naam, il lui fait la contrainte pour qu'elle rentre dans le din. Il lui fait la da'wa, si elle accepte, masha'Allah, si elle accepte pas, elle est libre. Naam, elle est libre. Il la laisse pas, yani, avec la croix, etc., dans sa maison à lui. Mais elle est libre de ne pas rentrer dans l'islam. Il lui fait la da'wa, c'est tout. Si elle accepte, elle a sauvé sa peau. Si elle accepte pas, c'est elle qui aura des problèmes quand elle mourra. Naam. Donc, moi, c'est presque l'heure du sofot. Naam, c'est presque l'heure du sofot. Et je commence déjà à tousser. Jazakumullahu khairan. Fiki barak la salam à 57. La prochaine fois, Inch'Allah, rappelle-moi, je vais continuer de te dire d'autres choses dans cette chose. Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer vendredi comme aujourd'hui, vers 12h30, Inch'Allah ta'ala. Sauf si, Allah ta'ala veut et qu'on se rencontre dans la semaine. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide dans le siyam, qu'il accepte de nous ce siyam et accepte de nous la salat. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, surtout pendant ce mois. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment peut-on envoyer des messages au cheikh en dehors des cours? Comment peut-on envoyer des messages au cheikh en dehors des cours? Dis-lui de me téléphoner, cheikh. Dis-lui de me téléphoner, je te donne le numéro. Il me téléphone, inshallah ta'ala. Naam. Il me téléphone à ce numéro tous les jours, inshallah ta'ala, entre 16h30 et 16h30 chez 15h30 chez vous, 16h30. Si je me trompe pas, 9 4 3 4 7 6 6 1 6. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.